Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute du calendrier des esclavages et des libérations, l'émission du lundi soir depuis déjà quelques années, sur une radio qui, elle, a 41 ans. Eh oui, radio libre, locale et libre. Eh oui, libre. Enfin, qui essaye d'être libre. Dans un monde où il n'y a pas grand-chose qui est libre. Et où beaucoup sont des larbins, en fait. Alors, le programme de ce soir, eh bien, le calendrier, bien sûr. Ensuite, au fond de la Manche, des déchets inquiétants. Daniel Obono nous parlera de la solidarité et de la grève à la télé. Cette Coupe du Monde ne peut être une fête, par Eric Coquerel. Clément Viktorovitch nous dira que débusquer les mensonges, c'est une clique sur Canal. Voilà. Et débusquer les mensonges. Blast. Emmanuel Macron, le mensonge permanent. Alors, il parle, entre autres, du CNR. Le CNR, lui, il appelle ça le Conseil National de la Refondation. C'est un terme historique qui voulait dire, et qu'on continue à vouloir dire, Conseil National de la Résistance. Un peu de respect, monsieur Macron, pour les résistants. Un peu de respect pour les résistants, monsieur Macron. Hein? Est-ce que vous auriez été résistant, vous, dans les années 40? Résistant ou collabo? Proposition de loi de la France insoumise, Hugo Bernalici. Louis Boyard, de la France insoumise, répond à Cyril Hanouna. Sur BFM TV, BFM TV, sans doute il faut dire, hein, BFM TV, if you speak French only, Cyril Hanouna, hein, ah, mais non, c'est pas une insulte, c'est son nom, Cyril Hanouna, oui, il fait des émissions, Hein? Faut oser faire des émissions comme ça, quand même. Et puis, bon, voilà, une petite revue de presse peut-être. Hein? Ce sera tout pour ce soir. Bonne soirée. Estas mi demandis min supposti a longa ne rencontro ne por forgesi che una ina leo dire il tempo ne incurazza si es di el mi pluma al sanas allora su vi audas min min revigas nun Californio per tio che io ni estis che am ne unis kai liberis che ni fartis mi forgesi santa o la mondis falis che mal samai estas iam ni du che un distanzas ni Le calendrier des esclavages et des libérations du 28 novembre. Le 28 novembre 1803, à Haïti. Un des jours les plus lumineux de l'histoire de l'humanité. après la victoire de la révolte des esclaves, conduite par Jean-Jacques de Salines, la première république noire de l'histoire voit le jour. 540 000 esclaves noirs accèdent aux droits élémentaires de l'homme. C'est une des rares, peut-être la seule révolte d'esclaves qui ait jamais réussi. 1820, Allemagne. Friedrich Engels, né à Barmen en Prusse orientale. Avec Karl Marx, il sera le fondateur du socialisme scientifique. Il exercera une grande influence sur le parti ouvrier allemand. Il est le premier à démontrer que le prolétariat n'est pas seulement une classe qui souffre, mais aussi une force capable de lutter et de se libérer. 1821, Panama. L'ensemble des provinces du Panama, quelques 80 000 habitants, se déclarent libres et indépendants du gouvernement espagnol. 1868, Espagne. Un décret reconnaît le droit de réunion et d'association. Il comporte cependant une restriction significative au temps de la première internationale, l'indépendance de ces associations vis-à-vis des pays étrangers. 1904, Namibie. L'armée coloniale allemande bat les Hottentots révoltés près de Wambad. 1908, Espagne. La Maison du Peuple de Madrid est inaugurée. Il y a 12 653 associés. 1911, Mexique. Le plan d'Ayala de Zapata prévoit la restitution de la terre à ses anciens possesseurs par l'expropriation d'un tiers des grands propriétaires terriens. La majorité des paysans pauvres, surtout les Indiens, se rallient à Zapata. 1945, France. Nationalisation des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Nationalisation. 1945, nationalisation, monsieur Macron. Vous entendez ça? Nationalisation. 1947, France. On dénombre 1 500 000 grévistes. 1971, Grande-Bretagne. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église anglicane, deux femmes sont ordonnées prêtres. 1973, France. Grève de 46 cimenteries sur 66. 46 cimenteries sur 66. 1977, France. Assemblée générale chez Lippe. 408 ouvriers signent la souscription pour une coopérative. Les industries de Palante. 1980, Tahiti. Vague d'arrestations dans le milieu d'opposition sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, fils du Papadoc. Le timide processus de libération est arrêté, malheureusement. 1981, Salvador. Dans une déclaration conjointe, la France et le Mexique affirment que le front d'opposition à la junte constitue une force politique représentative. 1981, Tunisie. M. Achourne, ancien secrétaire général de l'UGTT, emprisonné puis gracié et assigné à résidence, recouvre tous ses droits. 1982, en Uruguay, le régime militaire est mis en échec par les élections qui ont pris l'allure d'un référendum contre la dictature. 1983, Bangladesh, 15 jours après une certaine libéralisation, le général Ershad réimpose l'interdiction de toute activité politique et instaure le couvre-feu à Dhaka. Nous sommes en 1983 au Bangladesh et pas en 2022 en France, hein. Ah non, faut pas tout mélanger. Blackbird singing in the dead of night. take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Ça pourrait être une belle journée de navigation, mais on n'est pas vraiment sur un bateau de croisière. On se trouve sur le Rainbow Warrior, le vaisseau amiral de Greenpeace. Alors, pas le Rainbow Warrior qui a été coulé par les services secrets français en 1985 en Nouvelle-Zélande, mais la troisième génération de ce bateau mythique. Alors, où se trouve-t-on ? Au large du Cotentin. Pourquoi le Cotentin ? Il faut savoir que c'est la zone la plus nucléarisée au monde. Juste derrière vous, vous avez la centrale de Flamanville. C'est deux réacteurs actuellement en service, plus l'EPR qui est en construction. On se demande d'ailleurs si un jour il va être terminé. Juste à côté, à quelques kilomètres de là, vous avez le centre de stockage de la Manche, c'est CSM, et puis collé à ce centre de stockage, l'usine de retraitement de La Hague. Un tout petit peu plus loin, Cherbourg, les sous-marins nucléaires qui sont construits là-bas. Et puis au large, juste derrière moi, un dernier endroit qui a beaucoup, beaucoup intéressé l'industrie nucléaire, la fosse des Casquets. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une fosse marine, pas très profonde, une centaine de mètres sous la mer. Et il faut savoir que dans les années 50, 60, 70 et même 80, l'industrie nucléaire, et notamment les Français, les Hollandais, les Belges et les Britanniques, ont déversé des dizaines de milliers de tonnes de fûts radioactifs par-dessus bord pour s'en débarrasser. On a plus de 14 000 tonnes de déchets français qui ont été jetés dans cette fosse, donc la majorité était français. C'est un amalgame de déchets chimiques, de munitions et évidemment de fûts radioactifs qui ont pourri ici autour de cette fosse. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la fosse, il y en a tout autour, puisqu'évidemment ces fûts se sont répartis au fur et à mesure des courants. Pour la première fois, une caméra est descendue en 2000. Nous avions un robot sous-marin, un robot téléguidé, et nous avons donc descendu vers la fosse des Casquets. Finalement, à notre grande surprise, il n'y a même pas eu besoin de descendre dans la fosse pour trouver ces premiers fûts qui étaient là, tout autour, finalement sur le fond de la mer, dans un état pitoyable évidemment, complètement rouillé, éventré. Donc bien évidemment, la radioactivité s'est répartie dans l'environnement. En 1993, une convention internationale est signée pour interdire définitivement cette pratique. On ne pourra plus jeter des fûts de déchets nucléaires par-dessus bord. Est-ce là la fin de la pollution nucléaire dans la mer ? Eh bien, en fait, non, puisque l'industrie a trouvé une sorte de tour de passe-passe. Et aujourd'hui, elle continue de déverser ses déchets sous forme liquide via un grand pipeline, un tuyau qui part du centre de retraitement de La Hague et qui s'enfonce dans la mer à 2 km du large et qui déverse chaque année quantité de déchets toxiques. Il faut savoir que ce volume est l'équivalent de 2,5 fois tout ce qui a été déversé dans les années 60, 70 et 80 sous forme de fûts dans la fosse des Casquets. Tout d'abord, Orano, c'est elle qui fait l'ensemble de ces prélèvements, donc on peut discuter évidemment de l'objectivité de ces prélèvements, mais il y a une réalité toute simple, c'est que de toute façon, tous ces prélèvements, qu'ils soient de Orano ou de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection Nationale, qui est l'Institut d'État, ils trouvent des radioéléments artificiels dans l'environnement. Donc la preuve est faite d'une contamination importante. Alors évidemment, Orano prétextera la dilution en nous disant « Mais oui, mais vous mesurez la sortie du tuyau, puis vous savez, ça part beaucoup plus loin. » La prochaine fois que j'aurai un contrôle de gendarmerie sur mon véhicule, je leur dirai « Non, non, mais mettez pas cette sonde de contrôle sur le pot d'échappement, mettez-la à 30 mètres, vous verrez, il y a de la dilution dans l'air. » On voit bien que c'est une aberration. En réalité, la quantité de radioéléments artificiels rejetés dans l'environnement est très importante. On en retrouve des traces très identifiables au retraitement de la Hague, sur les côtes de Norvège et jusque sur les côtes du Canada. Da vida bela melodii, tre placis alti eladi, sed vine zorgas pri musica bruia. Dissonis tiel, bela tril, minora fal, majora bril, hesitas la rede cae versas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vi credes firme, cae venis la prove, shibani sim. En Orakov, ŝia beleco ŝanĝis ĉion tuje. Ŝi lasis vin en iu kantin, komprenis koron, konkeris vin, kaj viaj lipoj flustris aleluja, aleluja. Dans l'actualité aussi, dans le film. Il se trouve en plus aujourd'hui que nous sommes dans une journée de grève générale. Est-ce qu'il y a... j'ai vu votre studio. Oui. J'ai vu qu'on était en grève. Est-ce qu'il y a un problème de salaire en France, comme le dit Gérald Darmanin ? J'ai pu constater qu'effectivement, il y avait un fossé qui se creusait davantage entre les riches et les pauvres. Il y a plein d'endroits où on a le sentiment que les choses s'affaissent un petit peu et qu'il y a un vrai manque de considération. Alors évidemment, il y a l'aspect matériel, mais aussi la considération humaine. Je pense que c'est un ras-le-bol général. C'est effectivement de pas pouvoir remplir son frigo. C'est intolérable, surtout dans un pays riche comme la France. On comprend pas ça. Et puis effectivement, avoir le sentiment de ne pas être écouté, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, d'être nié. Fin de ce 12-13, merci d'avoir suivi, merci Jamel Debbouze d'avoir merci été avec nous. Merci infiniment à vous. C'est un journal qui a été réalisé dans des conditions particulières. De grève, on va dire. Hein. De grève. Parce que d'habitude, vous êtes au siège. Oui, d'habitude, on n'est pas ici, on n'est pas sur ce plateau. Les gens, ils ne savent pas que c'est le plateau de grève. Vous pouvez montrer aux gens le plateau de grève parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Oui, voilà, ouais. T'as vu, voilà. Plateau de grève, c'est la grève, France Télé. Voilà. Désolé, merci, c'est la grève. Merci beaucoup de montrer le décor, les coulisses. Remets le fond vert. Solidarité. Non, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. On va rendre l'antenne avec un beau fond. Très bel après-midi, merci Jamel. Merci Emily, c'était un plaisir. À demain. Franchement, c'était cool. En la urbo kutime tie sidas ĉiuj ni por diskuti revojn de futuro kaj trinki al kalikoj du aŭ tri. La gaja tagoj jen pasintaj tempoj jen la kanto da la vivo pesa sien con chi unia te la illuminar il futuro plana stengen la la la la la la la la la la la la la la la la sempre passis chiaroi occupitai miai sonjoi flugis den for sed ne perdis ni la bona espero brilas miai revoi en la cor la gaia lagoi en pasintai tempoi en la canto da sorrigis min sentim la vivo pesa sien con chi unia te la iunura futura plana sengen tavernu haltis mil vespere samis cio kiel frue pli visaggio sur la glaso spegulite spectrigis tutte fremde tiel li la gaia tagoien pasintai tempoien la canto danzo rigis min sentin la vivo pesa sien con chirunia te ma io non la futur plana sengen la la vidas mi vin, vocas vin jeno. Jen amico, igis ni pli agiae, perdigis nur al mi la ita sogni. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis min sentim. La vivo pesa sien, con chi unia te, la iunura al futur plana stengen. c'est un cauchemar pour vous, ce mondial? Comment vous voyez les choses? Il y a tant de choses qui sont un cauchemar sur la planète. En tout cas, c'est une faute et un non-sens à la fois moral, environnemental, social et sportif. J'ajoute sportif parce qu'on l'oublie souvent. C'est un non-sens de jouer en pleine saison une Coupe du Monde. D'ailleurs, ça explique aussi très certainement le nombre de blessés dans les équipes qui arrivent. Bon. Donc tout ça mis bout à bout, on se demande... Alors maintenant, on le sait, parce que je disais moral, parce que manifestement, la France, d'après ce qu'on comprend, a joué un rôle, puisqu'il y a une enquête actuellement du parquet financier sur l'attribution de cette... et pas un rôle très propre. Voilà. Bon, donc, pour l'instant, il y a une enquête qui est ouverte et plusieurs articles de presse. Il faut choisir autre chose. Moi, je suis d'accord, le boycott sportif, de toute façon, on savait que c'était impossible. Par contre, le minimum qu'on peut. Mais quand exiger, Emmanuel Macron c'est dit. Un boycott diplomatique. Au fond, cette décision, elle a été prise. Elle a été prise maintenant il y a plus de 10 ans. Il faut avancer. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire maintenant on arrête de politiser ce mondial? Il est là. Ça, c'est hypocrite. Toute épreuve de ce type au niveau international depuis très longtemps, même avant 36, les Jeux de Berlin, mais je pourrais le citer, est politique. On le sait bien. Arrêtons de laisser penser, même Macron est un des premiers à utiliser le sport à des fins politiques. Il y a bien qu'il y a Mbappé pour qu'il reste au PSG. Hein, donc ne laissons pas, on ne peut pas dire ça. Et donc à partir de là, justement, moi je pense que si Emmanuel Macron dit c'est une décision qui a été prise, sous-entendu bien avant moi, et de toute façon maintenant on est engagé, certes, mais lui il a le choix par exemple de décider d'aller ou pas dans cette Coupe du Monde si la France arrive en demi-finale. Et j'espère qu'il n'ira pas. Je ne connais pas un seul exemple d'une épreuve sportive, JO ou Coupe du Monde organisée dans un pays posant des problèmes sur la question des droits de l'homme, entre autres, qui ait fait en sorte que le pays change après. Pas plus la Chine de 2008, pas plus l'Allemagne de 1936, pas plus par exemple la Coupe du Monde au Mexique en 1970. On peut rappeler aussi la Russie de Poutine. Hein. On peut agglutiner. Donc ça c'est pas vrai. Voilà. Que les organisations Amnesty et autres se disent maintenant c'est fait, on peut essayer de faire en sorte que ça progresse. Elles ont raison de le faire, mais n'ayons pas la naïveté de penser que ça va évoluer. Alors, deuxièmement, je ne crois pas que ça soit juste les instances sportives, vu l'ampleur et l'importance maintenant d'épreuves de ce type, qui sont décisionnaires. Et là encore, je reviens à ce qui est en train de se passer, les enquêtes pour corruption passive quand même. Et on va en parler. Voilà. Juste donc, après. Troisièmement, est-ce que je regarderai? Là, toutes les contradictions, je l'admets, c'est-à-dire que pour moi. Et pourtant, vous allez regarder. De temps en temps, je pense que je vais regarder quelques matchs, mais je peux vous dire une chose, notamment les matchs de l'équipe de France. Je peux vous dire une chose, c'est que. Et d'une, je me pose encore la question, quand Tena, par exemple, a expliqué qu'il se refusait à le faire. Et deux, contrairement à ce qui peut se passer sur le coup de monde, je suis incapable de vous donner aujourd'hui le calendrier de l'épreuve et de vous donner les rendez-vous. Parce que ça peut pas être une fête. Voilà. Thank you. McFly Carlito, sur votre chaîne YouTube, il y a un concept que vous proposez souvent, que moi j'aime beaucoup. Vous recevez des invités, vous vous racontez des anecdotes, et le grand jeu, c'est d'essayer de deviner laquelle est fausse, laquelle est vraie. Allez, un exemple, on en parlait tout à l'heure avec Eric Ramsey. Nous sommes en 2000 quelque chose, Eric et moi nous allons rejoindre Michel Gondry, le réalisateur. On va le rejoindre à New York pour lui. Il tournait Eternal Sunshine of Spotless Mind avec Jim Carrey. Il y avait une autre actrice, c'était Kate Winslet, et on voit Kate Winslet sur le tournage qui parle à Michel Gondry. On ne sait pas ce qui se passe. Michel Gondry vient voir Eric et dit, bon voilà, est-ce que tu voudrais aller dîner avec Kate Winslet ce soir? Elle me saoule avec toi. Elle adore les chauves. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse, monsieur McFly? Cette anecdote, elle est fausse. Monsieur McFly, cette anecdote est totalement vraie. Mais non. Sur la tête de ma mère. C'est pas vrai. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Et il a refusé. Bon alors, ça c'était incroyable, hein. Ouais, vous faites ça sur le ton de l'humour, mais parfois, savoir si une anecdote est vraie ou fausse, ça peut avoir de sacrées conséquences. Regardons un autre exemple. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ni maintenant, ni avant. Bon alors, au fond, le jeu est le même, hein, savoir si l'anecdote est vraie ou fausse. L'enjeu n'est pas le même. Mais l'enjeu, sur notre chaîne. L'enjeu n'est pas le même. C'est de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui, hein. La question de la détection du mensonge. Parce que figurez-vous que ça fait partie des graals de la communication, la chose qu'on aimerait toutes et tous savoir faire. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir déterminer avec certitude quand votre femme, votre mari ou votre patron est en train de vous mentir? Et justement, ce qui est intéressant et que montrent les études, parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, c'est que nous sommes plutôt de mauvais détecteurs de mensonges. En moyenne, on tombe juste à 54% du temps. Il faut prendre conscience de ce que ça veut dire. On est à peine meilleur qu'à un lancer de pile ou face. Et une des raisons pour lesquelles on est aussi mauvais à détecter le mensonge, c'est qu'on se fie à des idées reçues. Et moi, j'aimerais vous proposer d'en examiner quelques-unes, des idées qui circulent. Alors, première idée reçue, quand on ment au moment de proférer un mensonge, on aurait un regard plus fuyant. C'est totalement faux. C'est même plutôt le contraire. Les bons menteurs gardent un œil sur leur interlocuteur pour vérifier s'ils sont bien crus. Dans le même ordre d'idées, il y a une idée qui circule. On pourrait repérer le mensonge en regardant le mouvement des yeux. L'idée que quand les yeux partent en haut à droite, on serait en train de se souvenir, donc ce serait un mensonge. C'est totalement faux. Il n'y a pas le moindre début de commencement de fondement scientifique à cette idée-là. Pareil, on dit que quand on ment, on ferait plus de gestes d'autocontact. On se toucherait les mains, le visage. Bon, a priori, là aussi, c'est faux. C'est peut-être, on n'en est même pas sûr, c'est peut-être un signe de stress, mais pas forcément un signe de mensonge. Enfin, un dernier, quand on ment, on aurait des réponses hésitantes. Là aussi, a priori, c'est complètement faux. On peut avoir appris par cœur un mensonge et le délivrer de manière très fluide et avoir du mal à faire remonter un souvenir. La réalité qui fait consensus chez les chercheurs, c'est qu'il n'existe aucun critère simple pour repérer le mensonge. Il y a les voix aiguës. Je crois que ça ne marche pas non plus. Ah. Il n'y a aucun critère simple. Alors par contre, il y a des critères complexes, comme par exemple, et des outils complexes, comme dans cette scène du Bureau des légendes. Встречали вы французов с тех пор, как вы в Москве? Нет. Что вы делали на почте сегодня утром? Я не умею это сказать по-русски. Скажите на любом языке, все записывается. I sent today's newspaper to my daughter. I sent it to a P.O. box under the name Lily Lefebvre, which she checks regularly when I'm abroad. I wanted her to be reassured. Bon, alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un polygraphe, ou plus communément un détecteur de mensonges. Ça existe vraiment, c'est encore utilisé aujourd'hui. Le principe du polygraphe, c'est de mesurer le niveau de stress des individus quand on leur pose des questions. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de raisons de stresser pendant un interrogatoire. On peut être en train de mentir et avoir peur d'être repéré, mais on peut aussi être en train de dire la vérité et avoir peur de n'être pas cru. Et donc, le consensus, c'est que le polygraphe, au mieux, c'est un outil imprécis, et au pire, ça ne permet absolument pas de détecter le mensonge. Alors aujourd'hui, il y a plus de choses. On a des algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle. On a aussi des méthodes d'entretien assez élaborées. Mais tout ça, d'une part, encore une fois, c'est imprécis. Ça pose d'autres problèmes éthiques. Et surtout, surtout, au quotidien, dans la vraie vie, c'est totalement impossible de le mettre en place. Alors, est-ce que nous, individus, on est totalement désarmés face au mensonge ? En grande partie, oui. Il existe quand même un principe. Un principe que je vous donne et qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est un principe, figurez-vous, assez rhétorique. La voix aiguë. Pas du tout, vraiment pas. La voix, en fait, c'est un, je cite de tel, je crois que c'est un signe de stress et que c'est pareil. En fait, tu détectes que la personne est stressée, mais tu sais pas pourquoi elle l'est. Le principe, ça m'a été confié par un chercheur qui s'appelle Camille Srour. Il a étudié, figurez-vous, 98 types de mensonges différents. Et il a coutume de dire que personne ne veut mentir. Ça signifie pour lui qu'on se débrouille toujours autant que faire se peut pour formuler des phrases qui sont trompeuses, mais vraies. Je vous donne un exemple. Votre compagne ou votre compagnon rentre à 23h. Vous, vous avez dû vous occuper des enfants tout seul pendant toute la soirée. Et là, il ou elle vous dit « Je te jure, chérie, je rentre directement du travail. » Alors, c'est peut-être vrai. Mais peut-être qu'au travail, il y a eu un très long apéro. Bref, ici, au fond, et comme ailleurs, ce qu'il faut être, c'est attentif au discours, bien sûr, mais également à ses subtilités. C'est comme ça qu'on évite de ne pas se faire berner. Thank you. Mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin, qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Alors que l'Élysée annonce maintenir Alexis Kohler à son poste, dans l'opposition, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des comptes. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'est pas la peine d'aller expliquer à nos Français qu'on va faire une 6e République, qu'on va tout changer, qu'on va limiter le mandat du président de la République, qu'on va faire tout ce qu'on n'a jamais fait, mais qu'on leur a toujours promis, mais qu'en même temps, dans nos pratiques, aujourd'hui, sans même changer le droit, nous allons continuer de faire l'inacceptable au sommet de l'État, que nous allons continuer à expliquer à nos concitoyens que le monde change pour eux, qu'on leur demande tous les sacrifices, mais que nous, dans la classe politique, nous n'avons aucun sacrifice à faire. Que nous, dans la classe politique, nous allons toujours nous arranger avec le droit. Lundi dernier, c'était le 3 octobre, Emmanuel Macron a fait un tweet dans lequel il nous donnait rendez-vous, dès maintenant, sur le site du Conseil national de la Refondation pour, je cite, « apporter nos idées sur l'écologie, l'école, la santé, la démographie et le travail ». L'objectif, expliquait-il, est que nous bâtissions ensemble l'avenir de la France. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la Refondation. C'est une excellente idée. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Macron délimite soigneusement le périmètre de cet échange. Pour le dire autrement, il y a des sujets sur lesquels notre avis ne l'intéresse pas. L'écologie, l'école, la santé, tout ça est très bien. Ce sont en effet des sujets essentiels. Mais nous voudrions pouvoir en évoquer d'autres qui ne le sont pas moins. Comme la justice, par exemple. Parce que là, nous venons quand même de vivre une séquence pour le moins étonnante. Le 3 octobre, le jour même donc où Macron nous invitait à lui apporter nos idées, la Cour de justice de la République a en effet ordonné qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, soit jugé pour prise illégale d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec certains magistrats à qui il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Le ministre en charge des tribunaux est donc renvoyé devant un tribunal. C'est pas banal, mais ce n'est pas tout. Le 3 octobre, toujours, on a aussi appris qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, on parle donc ici du plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, avait été mis en examen le mois dernier pour prise illégale d'intérêt, lui aussi, et qu'il avait par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté pour trafic d'influence. L'Élysée avait juste oublié de nous informer de cette intéressante péripétie. Dans n'importe quelle autre démocratie, ces gens auraient été invités à démissionner immédiatement. En 2017, un certain Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, expliquait d'ailleurs que un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. 5 ans plus tard, il a quelque peu changé d'avis. Selon Le Monde, il parie désormais sur la banalisation des affaires et considère qu'un ministre ou un secrétaire général de l'Élysée ne doit pas démissionner tant qu'il n'a pas été condamné. On notera au passage que cette règle n'est pas la même pour tous. L'imam Iqiyoussen, par exemple, a été expulsé par Gérald Darmanin, alors même qu'il n'avait été ni poursuivi ni condamné. Ce qui vaut pour les ministres d'Emmanuel Macron ne vaut donc pas pour le reste du monde. Et Éric Dupond-Moretti l'a parfaitement compris. Il vient de proclamer tranquillement « Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner ?» Ça n'est pas à l'ordre du jour. C'est de tout ça, on y reviendra sans doute prochainement, qu'on aurait aimé pouvoir parler aussi. Mais ça n'entre manifestement pas dans les calculs d'Emmanuel Macron. Je me suis quand même connecté au site du Conseil national de la Refondation, où je suis tombé sur une longue vidéo dans laquelle le chef de l'État, vêtu d'un pull à col roulé, en prévision probablement d'un hiver où nous allons devoir économiser sur le chauffage, nous raconte pour commencer... Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui... C'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble, pour notre pays, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée d'action commun et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Évidemment, quand on entend ça, on a très envie d'applaudir, ne serait-ce que parce qu'il faudrait que nous soyons sacrément bornés pour ne pas vouloir construire tous ensemble un avenir radieux. L'allocution présidentielle commence donc fort bien, mais juste après... Ça se gâte. Emmanuel Macron se lance en effet dans un long plaidoyer pro-domo pour nous raconter par exemple qu'il a innové d'un point de vue démocratique. Avec le grand débat, qui alors même que nous vivions une crise sociale sans précédent, a permis d'aller à votre rencontre grâce à nos maires, partout sur le territoire. Il ajoute que c'est grâce à ce grand débat, ouvert pour répondre en catastrophe au soulèvement des Gilets jaunes, que son gouvernement a notamment changé l'impôt sur le revenu, créé plus de 2000 maisons France Services pour recréer des services publics sur le territoire, que nous avons remis de la force d'action publique partout sur le terrain. Le problème est que la réalité factuelle est un peu différente de ce qu'en dit le chef de l'État. Lorsqu'il prétend avoir recréé des services publics sur le territoire, par exemple, cette réalité est plutôt, comme nous l'avons appris la semaine dernière, que 4300 lits ont encore été fermés en 2021 dans les hôpitaux français, en partie parce que ces établissements manquent de personnel. Quant à la force d'action publique, que Macron se félicite d'avoir remise partout sur le terrain, on l'a surtout vu dans la répression policière d'une violence inouïe du mouvement des Gilets jaunes, durant lequel un nombre ahurissant de manifestants ont été blessés ou mutilés, sans que jamais le chef de l'État ne prononce le moindre mot en faveur des victimes de ces brutalités. Des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères, comme vous l'avez été, qui expriment leur conviction. Mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, rien de tout cela n'existe. Dans son étonnante vidéo à col roulé, il préfère se vanter avec une mine réjouie d'avoir aussi... Nous avons ensuite bâti, c'était une des conclusions du grand débat, cette convention citoyenne sur le climat, qui nous a permis non seulement ce travail inédit démocratique, et donc de faire avancer le débat public en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, mais d'arriver à un texte de loi inédit qui, grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations, va nous permettre, est en train de nous permettre, d'améliorer très concrètement les choses. Mais là encore, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Dans la vraie vie, on se le rappelle, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que les propositions formulées par cette Assemblée citoyenne soient reprises sans filtre par le Parlement ou soumises à un référendum. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Mais elles n'ont bien sûr fait l'objet d'aucune consultation des électeurs. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Et au mois de mars 2021, le site Reporter est arrivé, après enquête, à cette conclusion édifiante. Seuls 10% des propositions de la Convention, dont les membres n'ont d'ailleurs pas fait mystère de la colère que leur inspire ce mépris, ont été reprises par le gouvernement. Un peu la petite histoire des 150 David contre 12 Goliath, quoi. C'est vraiment ce sentiment-là de, à la fois d'être une unité assez importante, hein, 150 citoyens venus des quatre coins de la France qui se mettent d'accord sur les sujets, mais qui en même temps se retrouvent face à un interlocuteur qui au final dit « oui, c'est très bien ce que vous avez fait, mais c'est ça qu'on va faire ». Et ce sentiment, il est insupportable pour les citoyens d'avoir participé à ça. C'est pas acceptable. Dans sa présentation du Conseil national pour la refondation, Emmanuel Macron se fait donc une gloire d'avoir mené une consultation dont il n'a en fait pas tenu compte. Et juste après, il explique sans rire. Mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin, qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Est-ce que ça veut dire qu'il va se livrer à une autocritique et promettre de ne plus jamais organiser de débat dont il mépriserait les résultats ? Non ! Je vous dis non ! Alors écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien ! Évidemment pas. Il nous offre plutôt une nouvelle fois de nous associer à une prise de décision à laquelle, jure-t-il, nous pourrons enfin participer pleinement en devenant nous-mêmes des acteurs de ce qu'est l'action publique. Car, explique-t-il, le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions. Par conséquent, Macron nous propose aujourd'hui de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Il souhaite que nous partagions avec le gouvernement, dont nous sommes priés de croire qu'il en tiendra compte, nos idées de changement. Ah, sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Naturellement, nous savons que cette proposition est une plaisanterie, encore une. Nous savons qu'Emmanuel Macron, cette fois-là comme les précédentes, ne tiendra aucun compte de nos propositions si elles ne vont pas dans le sens de ses propres objectifs. Nous pouvons cependant faire le test et profiter de l'occasion qui nous est ainsi offerte pour soumettre quelques idées simples au chef de l'État. Pour ce qui concerne l'écologie et la biodiversité, qui lui tient tellement à cœur, par exemple, nous pourrions, au hasard, lui suggérer de ne plus renouveler la dérogation accordée l'an dernier à certains agriculteurs et qui leur permet de continuer à utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes, des insecticides particulièrement dangereux pour les abeilles qui sont interdits en Europe depuis 2018. Pour la santé, nous pourrions lui demander de ne plus jamais laisser fermer chaque année, comme il l'a fait depuis son élection en 2017, plusieurs milliers de lits d'hôpitaux, et accessoirement de ne plus lancer ses CRS contre les personnels soignants lorsqu'ils manifestent pour demander une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Pour ce qui touche enfin au travail, nous pouvons bien sûr exiger qu'il renonce à sa réforme des retraites, qui obligera de larges parties de la population, en particulier chez les femmes, les ouvriers et les précaires, à travailler plus pour gagner moins. Mais sur ce dernier point, le gouvernement nous a déjà prévenus. Si nous rejetons cette réforme, il passera en force en utilisant le 49-3. Et Macron lui-même a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale s'il se heurtait à une trop forte opposition parlementaire. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, il s'en remettrait aux Français. Et les Français trancheraient. Et dirait quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, nous rappellerions et nous serions en campagne pour que le président soit conforté. Parce que bon, c'est bien de promettre que le citoyen ne sera plus jamais quelqu'un à qui on va imposer des décisions ou des solutions, mais c'est encore mieux de le prévenir que s'il se montre trop indocile, on les lui imposera quand même. Je vais donc vous demander de désigner vous-même l'homme qui règnera sur vos dos en vous remerciant à l'avance de ce choix qui m'honore. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours. Pas de vin, rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Cheveux longs grimpaient le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Jeune homme a dit disparus qui un jour ont dit non. Dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes très heureux et fiers. Viens Sébastien. Nous sommes très heureux et fiers. Anne aussi, Ercilia, allez-y. Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter donc notre première niche parlementaire dont nous vous avions déjà un peu parlé. Donc qui sont 12 propositions de loi qui sont à l'image de ce que nous voulons être, c'est-à-dire des députés du peuple qui répondent aux urgences du pays. Nous avons, comme chaque année pour ces propositions de loi, fait des sondages. Vous verrez, et je vais vous les détailler, que ces sondages montrent que nos idées, n'en déplaisent aux macronistes ou aux lepenistes, sont bel et bien majoritaires dans la société. Et je rappelle juste, puisque je sais que l'ordre des PPL fait beaucoup parler, je rappelle juste qu'il y a 3 ans, nous avions examiné 5 textes en entier, en terminant à 20h, puisque la Macronie avait tellement défait nos textes que nous avions été obligés de retirer un certain nombre de textes. De retirer un certain nombre de textes. Il y a 2 ans, nous avions déposé et nous avons examiné 6 textes en entier, pardon, et commencé à examiner le 7e. Et l'année dernière, nous avions examiné et fait adopter deux textes, mais examiné 7 textes et commencé le 8e. Voilà, je le dis juste pour que vous ayez ces informations sur ces questions. Donc, dans l'ordre des propositions de loi et de résolution, nous commencerons par la commission d'enquête Uberfiles, pour laquelle 60% des Français disent qu'ils sont favorables à cette demande de commission d'enquête. Puis, nous continuerons avec le SMIC à 1600 euros net, qui recueille 70% d'avis favorables des Français sondés, alors que La République En Marche et le RN votent contre, main dans la main. Ensuite, sur le fait de constitutionnaliser, c'est-à-dire d'inscrire dans la Constitution la contraception et l'IVG, 87% des Français et 92% des Français pour la contraception s'y disent favorables. Sur la question de la cruauté animale et de l'interdiction de la corrida, 87% des Français sont favorables à cette interdiction et cette abolition de la corrida. Sur la réintégration des soignants et des pompiers non vaccinés, 72% des Français y sont favorables. Sur la proposition de loi de la garantie d'autonomie pour que tous les jeunes en formation aient une allocation à hauteur de 1103 euros par mois, c'est-à-dire à hauteur du seuil de pauvreté, 76% des Français y sont favorables. Pour que les AESH qui ont un salaire moyen, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, à 760 euros par mois et un véritable statut de fonctionnaire et donc un véritable salaire, c'est 88% des Français qui sont pour. Sur le référendum d'initiative partagée abaissé à 1 million d'inscrits, c'est 71% des Français qui s'y déclarent favorables. Sur la résolution pour une égalité effective en Outre-mer, alors qu'il y a 2 fois plus de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est 79% des Français. Sur la rénovation thermique des logements, alors que 12 millions de Français sont en précarité énergétique, c'est 77%. Sur la déconcentration des médias, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours, puisque 8 milliardaires possèdent 80% des médias, c'est 79% des Français, qui sont favorables. Et enfin, sur la gratuité des mètres cubes d'eau vitaux, sur la question de l'eau, c'est 86% des Français qui y sont favorables. Maintenant, je vais laisser chacun des rapporteurs vous expliquer brièvement les propositions de loi et de résolution que nous présentons. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Vas-y, Daniel, c'est toi qui commence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très fière de vous présenter la proposition de résolution pour que soit créée une enquête parlementaire sur le scandale des Uber Files. Comme vous le savez, en juillet dernier, un consortium de journalistes révélait à la fois la stratégie extrêmement offensive de Uber dans son lobbying pour s'installer et se développer en France, mais révélait également que la plateforme américaine avait pu bénéficier à l'époque d'un soutien non des moindres du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, pour lequel il y avait eu notamment 17 rencontres au plus haut niveau entre Emmanuel Macron et des dirigeants d'Uber, notamment Travis Kalanick, qui bien sûr aucun n'était mis dans l'agenda. Et on voit bien qu'il y a eu par différentes actions une volonté délibérée à la fois de torpiller les cadres législatifs, les cadres réglementaires, y compris d'intervenir, en tout cas la suspicion se pose, dans des situations des actions de perquisition ou pour interférer des décisions administratives de préfet. Donc il nous semble d'une nécessité démocratique que l'enquête parlementaire puisse faire toute la lumière sur la responsabilité à la fois du ministre de l'économie de l'époque, mais aussi d'autres responsables qui ont agi de façon contraire à l'avis du gouvernement de l'époque pour faciliter le développement de cette plateforme américaine. Et cette enquête parlementaire permettra aussi d'évaluer toutes les conséquences sociales, écologiques, économiques du développement de ces plateformes d'ubérisation. Donc nous avons d'ores et déjà procédé à un certain nombre d'auditions qui permettent de confirmer totalement la nécessité d'avoir cette commission d'enquête parlementaire qui, je l'espère, le 24 novembre, sera adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. Alexis. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler dans le temps évolue de la question centrale, la question majeure, la première préoccupation de nos concitoyens, à savoir la question sociale et la question des salaires. Cet été, les mesures qui ont été prises par le gouvernement n'ont eu aucun effet significatif pour apporter des réponses à cette préoccupation majeure, devenue d'autant plus sensible en raison de l'inflation. C'est pourquoi nous reprenons les choses par le bout par lequel la puissance publique doit les prendre et le levier sur lequel elle doit actionner. Nous pouvons, nous devons augmenter le salaire minimum qui, à partir de là, crée un effet valeureux, positif, vertueux sur l'ensemble des salaires. Quand nous parlons du SMIC, il s'agit à la fois de parler du salaire direct et indirect. Notre proposition est donc de porter le SMIC à 2050 euros brut, c'est-à-dire 1600 euros net. Vous aurez observé au passage qu'entre la revendication qui était la nôtre, tant celle portée par le candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon que par la NUPES à l'occasion des élections législatives, où nous portions la revendication de 1 500, mais en raison de la situation d'inflation, il nous a semblé qu'il était temps de le mettre à 1 600. Mais j'insiste sur les 2 050 euros bruts, car j'observe que dans le débat, il y a toute une série d'observateurs, et d'observatrices en l'occurrence, je pense à Mme Le Pen, qui visent à faire croire aux Français qu'ils ne seraient contre l'augmentation du SMIC, mais qu'il s'agirait de prendre dans la partie du salaire différé pour augmenter les salaires. Ce qui revient à dire en termes familiers, donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Ce qui constitue déjà une part de salaire qui va dans des cotisations, qui est une part du salaire des salariés, Madame Le Pen dit je vais prendre là-dedans, donc moins de cotisations pour toute une série d'organismes sociaux et faire croire par un tour de passe-passe qu'elle est pour une augmentation des salaires. Ce système, évidemment, est totalement destructeur. Il faut, évidemment, augmenter l'ensemble brut et net qui permet de résoudre nombre de questions. Premièrement, telle que je l'ai dit, la question sociale. C'est aussi une revendication, féministe, dans le sens où aujourd'hui, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes se situe à 28% d'écart de salaire, et que beaucoup de femmes sont précisément des victimes d'une situation de grande précarité, et notamment, particulièrement dans les secteurs où le SMIC ne s'applique pas tout à fait réellement, où elles ne peuvent pas en bénéficier. Je dois être court, donc j'en reste là. C'est un débat qui va être intéressant dans la mesure où il est au cœur de l'actualité. J'insiste aussi sur Bien sûr, il y a toute une série de secteurs professionnels, on l'a vu récemment, où l'accumulation insolente de richesses rend évidente cette revendication. Mais nous avons aussi à cœur de mettre en place, pour aider les TPE-PME, dans lesquelles cela serait plus difficile, une caisse de péréquation, en quelque sorte, dans laquelle cotiseraient l'ensemble des entreprises qui auraient des chiffres d'affaires supérieurs à 750 millions d'euros, pour qu'elles cotisent dans cette caisse, afin d'aider le tissu économique pour pouvoir le mettre en place. Que personne ne vienne de dire que tout cela est irréalisable, parce que même du point de vue, par ailleurs, de la puissance publique, je rappelle qu'il y a chaque année 157 milliards d'euros d'aides publiques qui sont données aux entreprises, et notamment 65 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations qui peuvent servir de levier, accompagnés de toute une série d'exigences, que la contrepartie de tout cela va de pair avec des augmentations de salaire. On peut agir, la puissance publique peut agir, il est temps de le faire, c'est le sens de cette proposition du SMIC à 1600 euros, et nous verrons bien à ce moment-là qui défend les salaires ou pas. Merci. Alors pour continuer, je vais vous présenter celle pour constitutionnaliser le droit à l'avortement et à la contraception. C'est peut-être là la différence avec celle qu'a portée Renaissance la semaine dernière en commission. Je redis ici que nous avons déposé cette proposition de loi dans la niche parlementaire, choix que nous avons fait en septembre, et que nous l'avons fait parce que nous demandons instamment au gouvernement d'inscrire un projet de loi constitutionnelle. Puisque vous le savez, une proposition de loi constitutionnelle donne lieu à un référendum, alors qu'un projet de loi constitutionnelle ne donne pas lieu à ce référendum. Je rappelle que nous avons dans ce pays des mouvements anti-choix qui sont non seulement organisés, mais extrêmement bien financés, et nous avons dans cette Assemblée nationale 89 députés Rassemblement national qui s'opposent à cette inscription de la Constitution, de l'IVG dans la Constitution, et d'ailleurs qui s'opposent même à la gratuité de l'IVG et autre avancée sur la question des droits des femmes. Donc nous voulons protéger ce droit. Ce serait, je crois, un signal extraordinaire pour l'ensemble du monde, puisque la France serait le premier pays au monde à inscrire le droit à l'IVG et à la contraception dans sa Constitution. Deuxième chose, puisque Jean-Hugues Ratenon est absent cette semaine, c'est lui qui portera la résolution pour l'égalité effective en Outre-mer. Nous avons souhaité mettre un texte spécifiquement ultramarin. Les ultramarins sont celles et ceux qui vivent en première ligne la question de la vie chère, la question de la pauvreté qui est bien plus prégnante, la question du chômage. Et donc nous avons voulu, avec cette résolution, marquer notre attachement à ce que l'État soit à la hauteur sur l'égalité effective dans les Outre-mer et qu'enfin on redonne de la dignité aux personnes qui vivent aujourd'hui dans les territoires ultramarins. Aymeric, c'est à toi. La proposition de loi sur la corrida dont je suis le rapporteur est une proposition de loi écologiste pour les droits du vivant. La corrida est déjà interdite en France, sauf qu'il y a une exception à la loi aujourd'hui qui permet que certaines corridas se tiennent encore dans certains départements au nom d'une tradition locale ininterrompue. On est donc dans une aberration ici, puisqu'en fait, si la corrida est interdite en France à Lille, à Paris, à Brest, à Nantes, c'est tout simplement parce que le législateur reconnaît que le taureau subit dans ce genre d'expérience des sévices et des mauvais traitements qui sont punis par la loi de 75 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement s'il y a mise à mort intentionnelle de l'animal, ce qui est le cas dans la corrida. On est donc ici dans une exception, alors que la République est censée être une et indivisible, une exception qui n'a absolument plus lieu d'être. Surtout qu'on est à un moment de notre histoire où il n'y a plus de débat sur ce sujet. Le débat a été largement tranché. Aujourd'hui, 9 Français sur 10, Mathilde le rappelait, 9 Français sur 10 aujourd'hui souhaitent l'abolition de la corrida. C'est un sujet qui est transpartisan. C'est-à-dire qu'il serait absolument incompréhensible que ce texte ne soit pas adopté le 24 novembre dans la niche. Les députés de tous les partis politiques souhaitent aujourd'hui que cette corrida, cette pratique, soit abolie. C'est un test démocratique qui va se dérouler dans l'Assemblée le 24 novembre, parce qu'on va voir si les députés sont vraiment libres, ou alors s'ils vont céder aux pressions des lobbies. Parce que les lobbies sont en train de s'agiter en ce moment. Lobby de la corrida, qui en rassemble d'autres, lobby de la chasse, et qui sont en train de faire pression sur un certain nombre d'élus qui étaient prêts à voter, tout à fait naturellement, pour aller dans le sens de l'histoire, qui étaient prêts à voter pour cette PPL, sont en train de leur demander de voter contre ou de s'abstenir. On fera tout ce qu'il peut, nous, ici, dans ce groupe, pour que le vote soit à la hauteur des attentes des Français. Bonjour, j'aimerais commencer par vous poser une question. Combien d'étudiants vivent avec moins de 1102 euros par mois ? C'est simple, c'est la quasi-totalité. 1102 euros par mois, c'est seuil de pauvreté. Aujourd'hui, dans notre pays, il est institutionnalisé que lorsque vous ferez des études, vous les ferez en étant pauvre. Et le système des bourses, d'ailleurs, il y a eu une augmentation des bourses qui ne compense pas du tout l'augmentation de l'inflation, une augmentation des loyers qui n'est pas non plus compensée, une précarité étudiante grandissante pendant la crise sanitaire qui s'est encore aggravée pendant la crise inflationniste. Quand est-ce que l'État français va prendre des grandes mesures pour éradiquer la précarité étudiante ? C'est à cette question-là que nous avons voulu répondre avec cette proposition de loi visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les étudiantes et étudiants et aussi pour les lycéens professionnels. Cette proposition de loi est la seule solution qui permette réellement d'éradiquer la précarité étudiante. Elle est la seule solution qui permette d'empêcher cette inégalité qui fait que vous avez deux types d'étudiants, ceux qui ont des parents assez riches pour ne pas avoir à travailler et les autres. C'est la seule proposition qui puisse vraiment permettre d'éviter l'autocensure que se font beaucoup de lycéens en se disant « j'irai pas à l'université parce que j'en ai pas les moyens ». C'est la seule solution pour vraiment permettre d'avoir suffisamment de jeunes qui sont formés pour affronter les enjeux du réchauffement climatique. C'est la seule solution qui permette à l'État, au gouvernement, à l'Assemblée nationale de prouver que la France s'intéresse encore un petit peu aux étudiants. On va essayer de convaincre et on verra si ça passe. Bonjour à toutes et tous. Alors, par la proposition de loi portée par ma collègue Nadège Abou-Mangoli, il s'agit de créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, c'est-à-dire de reconnaître le travail à part entière qu'elles effectuent. Alors, je dis « elles » parce qu'elles sont majoritairement des femmes. Actuellement, les AESH ont un statut précaire à temps partiel imposé. Elles obtiennent un CDI après 6 ans de CDD. Ça fait long, la période d'essai. Elles gagnent entre 800 et 1000 euros par mois, ce qui les oblige à chercher d'autres missions comme l'aide aux devoirs, la garderie, la cantine, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Au final, elles sont souvent des journées à rallonge, fatigantes, mal rémunérées. C'est la raison pour laquelle on a du mal à recruter maintenant des AESH de façon pérenne. Nous souhaitons donc que les AESH se consacrent à temps plein auprès de leurs élèves, qu'elles soient formées préalablement à leur prise de poste, qu'elles aient le temps de préparer leur support pédagogique. Ça peut être agrandir les textes, préparer des étiquettes. Il y a plein de travail avant la prise avant le cours, car elles ont besoin de s'adapter à la problématique de chaque élève, toujours conformément à la notification de la MDPH, en concertation avec les équipes pédagogiques, avec les familles, ce qui présuppose de faire des réunions préalables et de suivi tout au long de la scolarité. Donc il s'agit de faire de la fonction d'accompagnement d'élèves en situation de handicap tout simplement un métier, qui dit métier dit formation, statut et rémunération adéquate. Donc nous ne proposons rien d'incroyable, si ce n'est réparer une injustice qui dure depuis des années, mettre fin à la précarité des AESH et par là même améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Merci. Bonjour à toutes et tous. La proposition de loi constitutionnelle que je porte vise à modifier les conditions dans lesquelles peut être organisé un référendum d'initiative partagée dans notre pays. Ce référendum d'initiative partagée, il a été introduit en 2008 dans la Constitution et 14 ans après, il a servi zéro fois. Ce qui montre bien la nécessité, si on veut que le texte constitutionnel ne soit pas juste un texte creux, mais bien une matière vivante et effective pour les droits des citoyens, de changer les critères. Nous proposons de les changer de deux manières. D'abord, d'abaisser les seuils. Aujourd'hui, il faut 185 parlementaires et ensuite 4,7 millions de citoyens. Nous proposons de les baisser de manière drastique pour qu'ils viennent au niveau où ils sont dans les autres pays, c'est-à-dire 10% des parlementaires, 93, et 1 million de citoyens au lieu des 4,7. Nous proposons aussi de le changer d'une deuxième manière. C'est que là où aujourd'hui il faut des parlementaires qui initient et ensuite un soutien de citoyens, nous voulons créer le droit à l'initiative citoyenne, que les citoyens puissent être à l'origine de ces démarches, soutenues ensuite par des parlementaires. Voilà l'esprit qui est le nôtre. On a fait le choix de reprendre une mesure limitée, modérée, tranquille, que portait même Emmanuel Macron en 2019, une fois que les Gilets jaunes s'étaient largement mobilisés, notamment sur la question démocratique. On fait le choix d'une proposition consensuelle. Bien sûr, nous, à travers cela, nous voulons faire, par la réforme de la Ve République, œuvre commençante de Sixième République, vous l'avez bien compris, mais nous le faisons dans cet esprit-là parce qu'on ne mettra pas fin à la maltraitance sociale, à la maltraitance écologique, à la maltraitance animale, sans mettre fin aussi, et peut-être même d'abord, à la maltraitance démocratique qu'est la monarchie présidentielle. Bonjour à toutes et à tous. 12 millions de personnes, c'est le nombre de personnes qui vivent dans la précarité énergétique, qui ont froid l'hiver parce qu'ils n'ont pas assez, qu'ils sont trop pauvres pour pouvoir se chauffer correctement l'hiver. Et la plupart de ces personnes vivent dans des passoires thermiques. C'est une urgence sociale, la rénovation énergétique des logements, mais c'est aussi une urgence écologique, parce qu'à l'heure de la COP27, rappelons que près de 10% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent du chauffage de nos logements. Puis la rénovation énergétique des logements, c'est aussi un gisement immense d'emplois, des centaines de milliers d'emplois dans les années à venir. Alors, vis-à-vis de ce chantier essentiel, eh bien, que fait le gouvernement? Presque rien, puisque quand on prend le dispositif MaPrimeRénov, qui est le dispositif essentiel, a priori, pour financer les ménages et leur rénovation thermique des logements, eh bien, on se rend compte que MaPrimeRénov, c'est 2500 passoires thermiques en moins l'année dernière, sur les 7 millions de passoires thermiques. C'est-à-dire qu'il faudrait 2 millénaires pour sortir des passoires thermiques. Alors, on peut aussi remarquer qu'il y a 2 semaines, eh bien, la majorité des députés à l'Assemblée nationale ont voté pour 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique des logements, et ça a été retoqué par le 49-3. De nombreux mouvements aujourd'hui, de la Fondation Abbé Pierre à Dernière Rénovation et tant d'autres, se battent pour la rénovation énergétique des logements. Nous le faisons aussi avec cette proposition de loi qui propose donc que les logements, que les ménages aient un reste à charge zéro, c'est-à-dire qu'on prenne en charge pour les ménages les plus modestes toute leur rénovation thermique de logement, et surtout qu'il y ait une interdiction réelle de location des passoires thermiques, ce qui est d'ailleurs une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour à toutes et tous. Moi, je rapporte une loi qui vise à lutter contre la concentration dans les médias, donc qui trouve une actualité importante, puisqu'on a vu cette séquence inouïe de violence d'un présentateur télé face à notre collègue député Louis Boyard, parce que il avait mis en cause le détenteur du capital, Monsieur Bolloré. Et donc, nous pensons que la question centrale qui nous est posée, qui est une question sur la production de l'information, sur le pluralisme dans les médias, sur la possibilité des citoyennes et des citoyens d'avoir accès à des éléments qui les informent et qui permettent de se forger un jugement propre, eh bien, pour garantir tout cela, la puissance publique doit intervenir, et c'est ça le sujet majeur qui devrait être d'ailleurs partout aujourd'hui dans les médias, et pas simplement de savoir si oui ou non on va chez Hanouna, mais en fait quelle est cette production. Or, la puissance publique peut intervenir, donc là on va proposer une petite proposition de loi par rapport à la grande loi devrait entrer en vigueur pour garantir cet élément majeur de notre démocratie. Donc dans cette loi, il y a la limitation de l'accès d'un actionnaire de contrôle au capital d'un média à un droit d'agrément qui serait délivré par le comité social et économique. Ça concerne dans la loi les entreprises de presse, les télés, les radios, mais aussi les maisons d'édition qui sont introduites dans cette PPL. Et nous avons dans l'article 4 de la loi l'interdiction pour toute personne possédant plusieurs entreprises de médias de détenir plus de 20% du capital de chacune d'entre elles. Donc à la fois c'est un morceau de ce qu'il faudrait faire, mais c'est un morceau assez signifiant. Et je pense que demain déjà, mercredi, quand nous l'aborderons en commission, nous aurons les positions des uns et des autres. Je vous invite vraiment à suivre. Il y a des amendements intéressants de l'extrême droite. Enfin, vous les regarderez. Mais ça donne à voir vraiment quel est son rapport à l'information. Et aussi l'absence d'amendements de la Macronie. Parce que je pense que nous allons là sans doute les mettre en difficulté, ou en tout cas donner à voir de quel côté ils sont, et finalement absolument pas du côté de la citoyenneté et de la lutte contre ces détenteurs du capital qui brisent notre droit à la démocratie. Et je terminerai d'un mot en vous disant que ce travail n'est que le début, parce que nous allons mettre en place un groupe de travail inter-NUPES qui vise à vous proposer, dans les mois qui viennent, une loi plus globale contre la concentration des médias, mais pour le pluralisme dans les médias. Cette garantie-là est aussi pour un audiovisuel public digne de ce nom. Donc rendez-vous demain et aussi plus tard, c'est un travail au long cours. Merci. Nous sommes 12 ans après le vote par les Nations Unies d'une résolution qui vise à ce que l'accès à l'eau et à l'assainissement soit un droit fondamental de l'humanité. Pour autant, la France, ayant voté cette résolution, aucune transposition dans le droit français, et encore moins dans le bloc constitutionnel, n'est acquis à cette heure. La proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui en commission développement durable et aménagement du territoire à 17h15 vise à garantir, par temps de sécheresse, comme dans un contexte où 10 millions de nos concitoyens sont en dessous du seuil de pauvreté, où 882 000 d'entre eux n'ont pas accès à des sanitaires et 490 300 d'entre eux n'ont pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité. Cette proposition de loi vise à garantir 50 litres d'eau par jour et par personne. Cette proposition de loi vise à ce que dans l'espace public, quand on est en dehors de son toit ou sans toit, eh bien, on soit en situation d'avoir dans chaque commune de France, puisque vous le verrez à la commission, l'Association des maires ruraux de France nous a suggéré un amendement en ce sens, il y ait une borne fontaine. Pour que dans toute commune de plus de 3500 habitants, il y ait aussi des sanitaires publics gratuits. Et enfin, dans tout bassin de vie de plus de 10 000 habitants, des bains-douches publics et gratuits. Cette proposition de loi n'est pas le fruit de quelques convaincus, mais sera, par le rapport et les amendements que je déposerai à la commission cet après-midi, eh bien, le fruit de plus de 20 auditions des communes, des syndicats, des communautés de communes, les métropoles de Bordeaux à Lyon ou de Montpellier la ville de Paris et ruraux de France. Je pourrais saluer les encouragements à l'occasion des auditions, et ça en fera sourire certains, y compris de la Fédération des entreprises privées de l'eau, la FP2E, de la FNCCR et du réseau France au public, qui portait aussi la parole de l'Association des maires de France, ou plus largement les expressions de la coalition eau et des 40 ONG humanitaires qui s'intéressent aussi aux questions humanitaires sur le territoire national. Voilà, cette proposition de loi est non seulement plébiscitée par les Français, mais elle est aussi portée par de nombreuses expériences en France. Elle vise tout simplement à généraliser et encourager les pratiques de toutes les collectivités autoritaires renforcées. Ça fait un an que ces personnels sont suspendus, qu'ils réclament de pouvoir revenir travailler. Est-ce que je vous reparlerai des incendies cet été où les pompiers non vaccinés ne pouvaient pas aller éteindre un feu ? Est-ce que je vous parlerai de la crise en pédiatrie, de la crise des urgences, de la crise des EHPAD ? Ce serait trop long. Nous avons entre 5 et 10 000 personnes qui souhaitent travailler et à qui c'est interdit. Il faut trouver une sortie par le haut, d'où cette proposition de loi qui, je le rappelle, n'a pas lieu d'exister trop longtemps parce que nous attendons que la HAS, Haute Autorité de Santé, lève l'obligation vaccinale. Voilà, c'est juste pour que dans la transition, les personnes puissent revenir travailler dans cette période de pénurie dans ces établissements. Alors, c'est une question difficile, d'autant plus difficile que depuis 3 ans, je crois, nous n'avons plus le droit de changer l'ordre des textes suite à la commission, ce qui était possible avant et qui permettait, selon les discussions et les débats en commission, de pouvoir changer l'ordre ensuite. Nous ne pouvons plus le faire, donc nous avons fait, eh bien, comme nous faisons toujours, nous avons discuté et voilà comment nous sommes arrivés à cet ordonnancement, qui n'est pas pour nous une hiérarchie des textes entre eux, en disant que le premier est plus important que le deuxième, que le troisième, mais qui est une forme de stratégie notamment parce que le premier est une résolution, donc prend généralement moins de temps que des propositions de loi en soi, et voilà, qui a donné lieu à des discussions qui, voilà, sont l'objet de plusieurs stratégies que nous avons. J'imagine pas qu'ils ne la votent pas. Par contre, j'ai remarqué par les amendements qu'ils ont mis dans la commission qu'ils souhaitaient réécrire la proposition de loi constitutionnelle de la même manière que eux l'ont rédigée, ce que je trouve quand même un peu bizarre. Mais non, moi, je n'en ai pas parlé particulièrement à Aurore Berger, j'en ai parlé à Madame Borne. Parce que, comme je le dis, je veux un projet de loi constitutionnel pour que, enfin, l'avortement et le droit à l'avortement et à la contraception soient inscrits dans la Constitution. Madame Borne m'a pour l'instant répondu qu'elle souhaitait mettre le droit à l'avortement dans une réforme constitutionnelle globale. Or, cette réforme constitutionnelle globale donnera lieu à la même chose que ce qui s'est passé avant l'affaire Benalla en 2017, c'est-à-dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc c'est le meilleur moyen de faire échouer cette inscription dans la Constitution. Donc je continue de demander qu'il y ait un projet de loi du gouvernement sur cette question. Et je le dis ici, nous le voterons. Je suis heureuse de voir que vous vous intéressez beaucoup à notre niche parlementaire. Nous l'avons dit plusieurs fois, je vais vous le redire. Sur le retour d'Adrien Quatennens, son arrêt maladie a pris fin. Nous assumons de discuter pour accompagner le retour d'Adrien Quatennens, puisque dans le groupe, tout le monde est d'accord pour dire que Adrien Quatennens ne doit être ni exclu du groupe, ni qu'on demande sa démission. Donc il est logique à partir de là que nous discutions et que nous réfléchissions sur les modalités et l'accompagnement de son retour. C'est ce que nous faisons, et vous ne vous en voudrez pas, mais les temps médiatiques ne sont pas tout à fait les temps humains. Donc voilà, nous travaillons et nous discutons. Vous avez l'idée ? Oui, c'est ce que je viens de dire, accompagner, vous savez, accompagner, aider. Oui, accompagner, aider, enfin vous pouvez faire des cours de linguistique. Adrien Quatennens va revenir, le groupe en discute. Voilà. Il y a une échéance, oui, que je ne vous donnerai pas. Il y a une gêne, alors ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une discussion où je n'ai pas envie qu'on appelle tous les jours les députés de mon groupe pour savoir ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Voilà, on préfère travailler de manière sereine. Certains, comme Sandrine Rousseau, demandent à ce que, pourquoi pas un retour, mais sous certaines conditions, avec des explications. Alors d'autres parlent notamment un stage sur les violences aux femmes. Quelles seraient les conditions que vous pourriez poser ? Nous discutons de ces conditions dont vous venez de parler. Nous discutons. Je ne donnerai pas... C'est stupéfiant, on présente 8 textes et la discussion... 12 textes. 12 textes, pardon, d'avoir des questions. Mais non, mais c'est pas ça, mais vous comprenez que... Enfin, je vous le redis, nous discutons. Là, on présente 12 textes qu'on va présenter mercredi principalement en commission, jeudi prochain en niche. Donc, je ne sais pas ce que vous comprenez pas dans les discussions. Il n'y a pas de gêne, il y a un travail. Et on ne vous invitera pas dans notre réunion de groupe. On ne vous invitera pas dans nos réunions de bureau. Donc, point. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire que ça. Oui. Madame Autant sur la PPF, la présentation des médias. Vas-y, Clémentine. Est-ce que vous avez, compte tenu de l'actualité effectivement du thème, est-ce que vous avez un peu jaugé dans les autres groupes parlementaires si votre proposition vous oui. intéressait et vous en êtes où du rapport de force possible Alors, dans les groupes de la NUPES, ça a plus qu'intéressé. Il y a des amendements intéressants d'ailleurs et que je proposerai de reprendre. Et comme je vous dis, pour l'instant, on n'a pas de son, pas d'image côté Renaissance. Donc c'est demain matin que ça va se jouer et j'imagine l'embarras. Parce que la réalité, on le sait, c'est que la Macronie, elle n'a aucune intention de s'en prendre aux empires médiatiques qui sont constitués par un petit noyau de milliardaires, puisque de toute façon, l'intégralité de sa politique est au service des hyper-riches. Et pense que, en laissant faire ce grand marché et ce monde de la finance merveilleux, ça va ruisseler et on va être plus intelligent. Bon. Donc on pense l'inverse. On pense exactement l'inverse. Donc, à mon avis, ça va être le moment d'une confrontation. Et une confrontation avec les trois pôles. Vous allez retrouver la NUPES unie, avec des propositions pour éventuellement ajuster ou améliorer notre proposition de loi. Vous allez retrouver une Renaissance gênée, parce que comme il y a eu en même temps, il y a le blabla du discours et il y a la réalité des politiques publiques menées. Et vous allez retrouver l'extrême droite. Je vous invite vraiment à regarder, parce que eux aussi, à un moment donné, c'est bien de voir de quel côté ils sont. Et au fond, les logiques du capital, ça leur va très très bien. Bolloré, ça leur va très très bien. Et on sait aussi que ces néo-fascistes ont quelque chose d'assez viscéral dans leur approche à la citoyenneté, à la démocratie, à l'information. Donc vous avez là trois pôles assez cohérents et vous pourrez juger sur pièce, si j'ai envie de dire. On doit libérer la salle dans 3 minutes. Donc j'ai une question qui s'adresse à Mme Motin. Pourquoi ne pas avoir cette proposition de loi étant en 11e position sur l'ordre du jour? Pourquoi ne pas l'avoir présentée dans les premières propositions de loi de façon à ce qu'elle soit examinée? Et ça permettrait de faire suite à l'épisode chez Hanouna. Enfin, parce que en fait je vous réexplique, mais l'ordre des textes a été donné il y a nous avons déposé les textes fin septembre et l'ordre des textes a été donné mi-octobre. Donc nous donnons un ordre des textes à un moment précis et ensuite, comme je vous l'indiquais, nous ne pouvons plus les changer, sauf à supprimer l'ensemble des textes avant pour pouvoir faire remonter la proposition de loi. Donc voilà, mais vous savez, c'est aussi du travail au long cours. Même si ce texte ne passe pas dans l'hémicycle cette fois-ci, il donnera lieu à ce que disait Clémentine Autain, c'est-à-dire une proposition de loi globale de l'intergroupe NUPES sur la question de la déconcentration des médias. Il donnera lieu à d'autres initiatives derrière. Faire un choix, ça implique forcément qu'il y en a qui sont à la fin. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Je redis, il y a 3 ans, passer 5 textes en terminant à 20h. Il y a 2 ans, terminer 6 textes, commencer le 7e. Il y a 1 an, terminer 7 textes, commencer le 8e. Donc, on verra si il y a... Comment ? Il y a plus de groupes, c'est pour ça. Non, enfin, on était pareil à la fin de la mandature précédente. Pas au début, mais à la fin, quand je vous dis il y a 1 an, passer 7 textes, dont 2 adoptés, et commencer le 8e, on était sur un nombre de groupes équivalents. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'en 4e position, la corrida passe. Et par ailleurs, puisque certaines l'ont annoncé, notamment Mme Ménard qui voulait faire de l'obstruction, nous sommes préparés aux différentes éventualités. J'ajouterai juste un mot là-dessus, c'est que... Pardon, juste un mot. C'est que Mathilde l'a dit, effectivement, si les textes suivent leur cours logique, compte tenu de ce qu'ils sont, le timing est bon. En revanche, des tentatives d'obstruction, je sais qu'il y en a en préparation, puisque justement, il y a une vraie possibilité pour que cette loi passe. Et je le répète, c'est vraiment le rôle, la responsabilité des législateurs qui, aujourd'hui, va se jouer. C'est-à-dire que si on constate que les processus démocratiques classiques sont empêchés, sciemment, avec des dépôts d'amendements dans les textes précédents ou dans celui-ci, de manière à empêcher la tenue des débats, ce sera un vrai scandale démocratique pour notre pays. C'est-à-dire qu'on peut mettre des amendements qui n'ont absolument aucun sens. C'est-à-dire que la question, vous savez, sur la corrida, par exemple, après on peut avoir des questions sur les autres textes, mais sur la corrida, c'est très simple. Chaque député doit répondre avec sa conscience à une question extrêmement simple. Est-ce que oui ou non, dans ce pays, on tolère la torture et la mise à mort publique d'un animal? C'est simple, hein. Chacun a une réponse claire à cette question. Ça ne demande pas des débats de 8 heures. On va devoir libérer la salle, mais il y avait une dernière question sur la corrida. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut se passer très vite. Allez-y. Vous êtes pas anti-corrida, justement. Certains députés de la NUPES socialiste et communiste, apparemment, seraient contre cette proposition. Bon, est-ce qu'il y a une division au sein de la NUPES à ce sujet ou pas ? Non, c'est transpartisan, c'est sur tous les gens. Oui, Mathilde a raison de dire que c'est transpartisan. Quand vous regardez les sondages qui sont faits aujourd'hui, non pas chez les élus, mais chez les électeurs, dans chaque parti politique, quel que soit le parti que vous prenez, à droite, à gauche, au centre, vous allez trouver la même proportion, à quelques points près, de gens qui veulent aujourd'hui l'abolition de la corrida. Donc ce qui se joue simplement, je le répète, c'est le fait que les élus vont devoir mettre la loi en conformité avec la volonté populaire, tout simplement. Et j'espère bien que mes camarades du Parti communiste, mes camarades du Parti socialiste, sachant qu'il n'y a aucun débat chez nous, par exemple, bien évidemment parmi les insoumis, j'espère qu'ils seront à la hauteur de cette question. Et vous ne serez pas gêné d'avoir des voix du RN, par exemple, vous êtes là sur les... Mais c'est une question. Je peux vous répondre à ça, c'est-à-dire moi je n'ai jamais sollicité les voix du RN. Après, chaque élu vote en son âme et conscience. De manière générale, sur vos PP. Non mais excusez-moi, je peux. Vas-y. Ouais, non parce que comme ça revient tout le temps, c'est un peu pénible. Est-ce que quand vous êtes en conférence de presse avec les macronistes, à chaque proposition de loi qu'ils font, vous leur demandez, vous n'êtes pas gêné sur la loi pouvoir d'achat d'avoir les voix de l'extrême droite? Qui a dit ça? Vous êtes certain à le dire, pardon. Non, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes en permanence, parce qu'il y a un discours derrière. Votre discours, bien sûr qu'il y a un discours derrière. Je dis pas que c'est le vôtre personnellement, mais je dis que c'est un discours qu'on entend, mainstream, comme on dit. Et ce discours mainstream, c'est d'expliquer que les extrêmes se rejoignent à la fin. Donc, faut arrêter avec cette question. Cette question, elle va durer pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il y aura des textes et chacun va se positionner. Et nous, on va pas se mettre derrière chaque député d'extrême droite, l'attraper pour empêcher son vote. La question, c'est de constituer des majorités dans l'hémicycle. D'accord? Donc nous, on est responsables de nos votes. Et ce qu'on veut, c'est faire passer des lois. Non, mais sur le SMIC, Alice, c'est en gros, c'est bien, parce que Macron va être gêné de voter contre. Donc, j'imagine que vous allez dire, vous allez quand même voter pour le SMIC, Alice, c'est en gros, vu que Mme Le Pen est contre. C'est une question, elle a répondu. Non, c'est pas une question, c'est une ligne. C'est notre réponse aussi. Merci. Allez, merci. Merci. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coups d'interrogatoires, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront: tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du dépit. Travaillent aussi du képi. Bonsoir Louis Boyard, bonsoir. Député NUPES LFI du Val-de-Marne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Christophe Barbier et Anna Cabana sont à mes côtés pour vous interviewer. Bonsoir, oui. C'est votre première interview depuis l'accrochage avec Cyril Hanouna il y a une semaine, il y a huit jours même, c'était jeudi dernier. Vous portez plainte contre lui pour insulte, il porte plainte pour diffamation. Pourquoi avoir attendu une semaine pour en parler? Parce que déjà, j'avais de nombreuses autres choses à faire. Je suis rapporteur d'une loi sur un revenu étudiant, donc j'étais sur mon travail parlementaire. Et puis aussi parce que l'objectif, c'est pas de commenter cette séquence en boucle ou d'en faire un jeu. Je veux poser un sujet politique à travers ce qui s'est passé. Je veux poser un sujet politique au sujet de la concentration des médias. Donc c'était mon travail parlementaire et le travail de recherche sur ce sujet politique qui m'a occupé cette semaine. Il déclare qu'il regrette ses propos injurieux. Mm-hmm. L'histoire pourrait s'arrêter là. En vérité, l'objectif n'est pas de mener une guerre contre Cyril Hanouna. Nous, on mène une guerre contre l'empire médiatique de Bolloré. C'est ça l'objectif. C'est pas une affaire personnelle. En revanche, pour ce qui est des insultes, il y a eu plein de débordements sur cette émission, beaucoup de débordements. Et ce sont des personnes qui se croient intouchables. Et l'objectif, c'est de montrer que les lois de l'argent ne sont pas supérieures aux lois de la République et que pour une fois, ils ne seront pas impunis. Et c'est pourquoi je maintiens ma plainte. Mais il peut parler de la liberté d'expression. Enfin, je vais pas faire le procès avant qu'il ait lieu, mais il explique que c'est le contexte qui a justifier son comportement et en gros, selon lui, vous auriez tout préparé, vous avez préparé un coup d'éclat, vous vous êtes servi de lui en gros. Non, déjà premièrement, on insulte, la personne soit élue ou pas élue, on n'insulte pas quelqu'un en direct sur un plateau de télévision, on n'insulte pas quelqu'un tout court. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que c'était préparé? Vous aviez préparé de vous servir de son émission? Absolument pas, mais personne ne peut prévoir qu'il allait réagir comme ça. Mais en vérité, il a dit tout haut ce que beaucoup font tout bas. C'est-à-dire que vous n'aviez pas prévu de parler de Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna. L'objectif, c'était d'expliquer je vous explique. L'objectif, c'était d'expliquer que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires qui appauvrissent l'Afrique. J'ai donné l'exemple de Pouyanné, PDG de Total, qui mène un projet absolument climaticide et d'atteinte aux droits humains en Ouganda. J'ai aussi parlé de Bolloré, parce que Bolloré a un empire en Afrique, un empire qui coule de business coloniaux. Donc c'est ce que vous dites, vous étiez venu pour en parler. Vous aviez prévu de faire ça. J'avais prévu de donner des exemples, mais ce qui n'était absolument pas prévu, c'était la censure. Parce que au fond de moi, je croyais que l'on pouvait encore parler à peu près de ce que l'on voulait à la télé. Et il a montré que non. Et il a mis le doigt sur un sujet très grave. Mais Louis Boyard, 8 milliardaires possèdent 90% des médias et il y a une forme de censure et d'auto-censure. Louis Boyard, vous connaissez très bien Cyril Hanouna. Vous avez bossé sur son plateau. Vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans s'attirer des réactions assez violentes de sa part. Donc, de ce point de vue-là, vous pouviez avoir imaginé que vous alliez déchaîner Cyril Hanouna. Non. Parce que non, sincèrement non. Au moment où j'ai parlé de Bolloré, parce qu'évidemment quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé de quoi étayer mon propos et j'ai vu Bolloré, il est propriétaire de la chaîne. Je me suis dit ah tiens, il est propriétaire. Vous ne le saviez pas avant. Non, je savais qu'il était propriétaire de la chaîne. Oui. Et je me suis dit bon, peut-être que ça va pas leur plaire, mais ils vont pas te vous censurer. Ils vont peut-être t'envoyer. Mais heureusement que je prépare mes sujets. Non, vous aviez travaillé là-bas dans cette émission. J'avais travaillé. Donc Bolloré a été votre patron avant. Mon patron c'était H2O. Non mais parce que vous connaissiez vous le sujet du Cameroun et des 145 et puis vous saviez pas qui était Vincent Bolloré quand vous travailliez pour lui. Remettons un peu les choses, l'église au milieu du village comme on dit. Je sais qui est Vincent Bolloré et je sais que vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays. Ça je le sais depuis toujours. Au moment où j'ai voulu tant que Vincent Bolloré vous paye, ça vous pose pas de problème. Oh. Quand vous ne travaillez plus pour lui, ça devient un problème. Non, mais vous comprenez que ce soit une question. Non, je suis pas d'accord parce que à chaque fois que j'ai été là-bas, d'ailleurs, j'ai même été ici et à chaque fois c'était pour tenir des lignes politiques comme je l'ai toujours fait. Moi, je suis comme d'autres. Je mène une bataille culturelle. Je mène un combat politique. Et je l'ai mené partout où c'était possible de le mener. Et je l'ai mené là-bas. Et là-bas, c'était dans un moment où il faisait une propagande absolument inouïe pour Zemmour. Et j'étais là-bas pour tenir tête. Pour laisser dire que non, le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions. Et alors, je suis étonné de voir que certaines personnes me disent, mais vous saviez que c'était Bolloré le propriétaire de la chaîne? Vous saviez que les gens allaient être violents avec vous? Pardon, je ne le savais pas. Et si vous, vous le saviez que ça allait avoir une réaction violente, alors je vous interpelle. Pourquoi est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un problème? Vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Une forme de censure et d'autocensure généralisée qui s'opère. Pourquoi est-ce que personne ne veut prendre le sujet des médias et dire que 90% des médias, vous oubliez l'audiovisuel public quand même? Ben, je vous parle, Qui n'est pas propriété de... Oui, mais attendez, même sur l'audiovisuel public, même sur l'audiovisuel public, c'est compliqué de critiquer Macron. Par ailleurs, vous écoutez certaines radios, non, vous voyez que c'est pas compliqué. Sur l'audiovisuel public, c'est compliqué. On n'est pas là pour parler de l'audiovisuel public. Par ailleurs, être propriétaire, c'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on fait de l'intervention éditoriale. Tout à fait. Mais vous avez raison. Il y a des actionnaires qui laissent libre et qui ont parfois d'ailleurs des médias très différents. Des médias qui ont des lignes éditoriales très différentes. Bien sûr. En fait, on a aujourd'hui, déjà, Bolloré est un milliardaire qui est assez particulier. Parce que, j'utilise ces mots, il mène une guerre civilisationnelle selon lui. Alors, et il utilise ses chaînes télé pour faire infuser une ligne politique. Quand vous avez, quelque chose, c'est que bah, si jamais des gens veulent posséder des chaînes, pas de problème. Le problème, c'est qu'un milliardaire possède une chaîne à lui tout seul. C'est pourquoi le 24 novembre, la France Insoumise va proposer une loi qui permet d'empêcher la concentration des médias. Autrement dit, ce sera impossible pour un milliardaire de posséder plus de 20% d'un média. Et comme ça, vous permettez le pluralisme. Vous comprenez bien qu'on peut, relier votre coup d'éclat à cette proposition de loi qui arrive la semaine prochaine, jeudi prochain très exactement. Donc, on peut imaginer que vous avez quand même réfléchi, anticipé, prémédité. Je trouve l'interrogation, la question que vous pouvez poser légitime, mais est-ce que vous pensez sincèrement que je m'étais dit que j'allais arriver et me faire insulter comme je me suis fait insulter? Et d'ailleurs, si vous me questionnez sur la loi, moi je suis rapporteur d'une loi qui permet de donner un revenu étudiant. La loi sur la concentration des médias, c'est Clémentine Autain et Sarah Legrain qui l'apportent. Il y avait donc d'autres moyens de parler de cette loi que d'aller peut-être faire ce coup d'éclat. C'est vous qui tirez la conclusion que Écoutez, Raquel Garrido, votre je sais pas si c'est votre amie. C'est ma collègue, c'est ma camarade. Bah, en tout cas, elle aussi, elle s'interroge. Olivier Truchot l'interrogeait sur Cyril Hanouna. Écoutez. Il s'est senti trahi parce que il n'avait pas invité Louis Boyard pour parler de ça. Il pense que Louis Boyard, en fait, a abusé de son amitié, du fait qu'il avait travaillé dans cette émission pour faire un coup politique. Est-ce que c'était un coup politique de la part de Louis Boyard? Je pense que Louis Boyard a testé quelque chose il a cassé un code. Donc il l'avait prévu, c'était pas spontané. Il me semble que oui, ça me paraît assez évident. Vous soutenez votre collègue dans ce qu'il a tenté? Je trouve que c'était un exercice périlleux qui, au final, a provoqué une escalade dont il n'est pas le responsable. Il faudrait savoir, c'est la faute de Louis Boyard? Non, c'est pas la faute. Le ton avec lequel répond Cyril Hanouna n'est d'évidence pas la faute de Louis Boyard. En tout cas, elle pense quand même que vous l'avez prévu, le coup. Histoire de mettre les choses à plat. Est-ce que j'avais préparé une liste de milliardaires pour étayer mon propos? Oui. Est-ce que je m'attendais à ce que ça fasse un coup d'éclat comme ça a fait un coup d'éclat? Non. Est-ce que vous avez le droit de croire que c'est le cas? Oui. Mais si jamais c'était le cas, je vous dirai la vérité. Moi, je suis honnête en vous disant que je ne m'attendais pas à avoir cette réaction. On a Cyril Hanouna qui a réagi d'une manière qui permet de montrer un autre sujet dont on peut parler. Moi, en ce moment, je parle de trois sujets. Du problème des milliardaires qui appauvrissent la France et l'Afrique, de ma proposition de loi pour un revenu étudiant, et du fait du coup d'éclat de Cyril Hanouna, je parle de concentration des médias. Après, si jamais vous voulez croire que c'était préparé, croyez-le, mais je vous assure que c'était pas le cas. Vous entendez Raquel Garrido vous défendre du bout des lèvres, ça vous fait quoi? J'ai regardé toute l'interview. Elle ne m'a pas défendu du bout des lèvres. Elle a eu des propos extrêmement clairs. Non, pas du tout. Raquel Garrido a dit des choses que je partage. C'est vrai qu'une des complexités de cette affaire, c'est que vous avez été comme elle chroniqueur de cette émission, donc par l'entremise d'une société de production, employé de l'Empire Bolloré. Est-ce qu'à l'époque, vous avez hésité en vous disant, est-ce que je participe pas à un système que je dénonce? À partir du moment où vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias, se pose la question de où avoir une expression publique. Je vais vous répondre sur votre question. Bien sûr que c'est pas des terrains qui sont faciles. Et pour moi, l'ADN de la gauche, c'est justement d'aller sur les terrains pas faciles, sur les ronds-points, sur les marchés, d'aller à la sortie des usines et aller tenir tête dans des endroits qui nous sont pas forcément favorables. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ça s'appelle mener la bataille culturelle, et c'est une bataille qu'a menée Raquel Garrido, que j'ai menée aussi, et qu'on continue de mener à l'Assemblée nationale, et ici aussi. Cyril Hanouna vous porte plainte contre vous pour diffamation. Il y a plusieurs de vos propos qui sont listés, notamment vous l'accusez de participer à la montée du racisme en France, et vous dites aussi qu'il fait le jeu d'Éric Zemmour. Vous maintenez ces propos? Je maintiens ces propos. Ça se base sur quoi? Mais écoutez, vous, 52, il a favorisé l'extrême droite. Il y a des études qui le montrent. 52% du temps, l'extrême droite était présente sur ces plateaux. Combien de fois des propos racistes? Vous étiez sur combien de plateau? Combien de fois des propos racistes et islamophobes ont été tenus sans que ce soit repris? On en est aujourd'hui réduit à devoir rappeler que le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions politiques, mais des délits. Combien de fois est-ce qu'il a banalisé, un Éric Zemmour et même une Marine Le Pen? Regardez le traitement de Bardella 2 jours avant. Oui, Cyril Hanouna participe à la banalisation de l'extrême droite. Et je terminerai en disant qu'il ne le fait pas innocemment. Bolloré le dit de lui-même, et d'ailleurs c'est le propriétaire de CNews. Bolloré mène une guerre idéologique avec les médias qu'il possède. Et quand Jean-Luc Mélenchon avait été écarté d'une émission de service public qui ne voulait que quelques candidats, c'est chez Cyril Hanouna qu'il avait trouvé une tribune. Mais parce que c'est exactement ce que je vous dis, c'est que partout où on peut aller mener la bataille. Oui, donc il y a du pluralisme. Il faut aller mener la bataille. Il y a du pluralisme. Mais il y a pas de pluralisme sur Touche pas à mon poste. Sur Touche pas à mon poste, regardez l'émission qu'ils ont fait pendant 2 heures avec uniquement des personnes qui étaient là en train d'appuyer Cyril Hanouna et de prier Bolloré. Pardon de vous dire que ce n'était pas un bel exemple de pluralisme. Et quand Cyril Hanouna dit qu'il vous a tout appris, est-ce qu'au fond vous êtes, vous êtes un enfant Hanouna? Cyril Hanouna n'a jamais appris à faire des manifestations ou à mener des luttes sociales. Non, mais à faire de la télévision et à faire du buzz. Mais vous lui devez beaucoup peut-être. Est-ce que vous vous dites que votre notoriété, peut-être le fait d'avoir été élu député, c'est en partie grâce à lui? Cyril Hanouna n'a pas voté pour moi. Si jamais j'ai gagné, vous savez, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la NUPES. Parle c'est grâce de à l'union de la gauche. Et juste, vous avez, et juste, vous attendez, avez si je peux ajouter autre chose. Vous comprenez on parle ici de loyauté. Moi, en tant que militant politique et en tant que député, ma seule loyauté, elle va vers les personnes qui ont voté pour moi, pour le peuple français et vers mes idées. Et je pense qu'il faut réaffirmer que quand on est journaliste ou quand on est présentateur, la seule loyauté doit aller à la loyauté et aux faits. C'est ce qu'impose l'infonction. Justement, et il a violé cette règle. Cette loyauté aux électeurs. Sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Énormément de gens condamnent Cyril Hanouna et ses propos. Mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent, Louis Boyard, il est tellement agaçant, fallait que ça lui arrive. En gros, quand on joue avec le feu, on se brûle. Est-ce que la stratégie de LFI, dont vous êtes l'un des membres les plus éminents, les plus actifs, les plus trublions, et la bonne, parce que ça dresse une partie de l'opinion contre vous par votre attitude à l'Assemblée ou sur les médias. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et, oui, mais est-ce que ça va pas se retourner contre vous? Est-ce que c'est pas contre-performant? Vous savez, par exemple, il y a eu, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un moment où je n'ai pas voulu serrer la main au Rassemblement National. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne les proportions que ça a pris. Mais ça a permis de redonner une idée. De dire que si jamais Jacques Chirac et Simone Veil s'étaient trouvés dans cette situation, même eux qui sont des personnalités de droite auraient dit non. Là, on ne le fait pas. Restons, ça s'appelle mener des batailles culturelles. C'est notre rôle en tant que militant politique et en tant que député. La question qu'on a écrit, Hanouna fait-il monter le racisme en France? Vous maintenez vos propos. Vous avez écrit un livre avec Cyril Hanouna. D'ailleurs, j'avais renoté le titre « Ce que monde dit les Français ». C'était aux éditions Fayard. Vous pensez quoi de cette affirmation? J'ai passé de très longues heures à discuter avec lui et j'ai trouvé en face de moi quelqu'un qui est profondément antiraciste. Mais profondément antiraciste. Et qui vit avec l'idée qu'en mettant face à face des gens en position extrêmement contraire, virulemment contraire, ça va les amener à s'engueuler, bien sûr. Ils cherchent le clash, évidemment, c'est le principe de ces émissions. Mais à se connaître, à discuter, à se revoir peut-être. Et il est persuadé, c'est sans doute en partie utopique, que cette confrontation des contraires, c'est le début de la discussion. Et qu'en gros, mettre un raciste face à un antiraciste, ça va faire progresser le raciste dans la bonne direction. Donc j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui était profondément engagé dans le combat contre le racisme et contre l'antisémitisme. Vous pourriez témoigner pour lui. Et certainement pas intéressé par le buzz et l'argent. Mais sûr que certainement si. Pas. Le principe de l'émission est un principe de cash et de clash, parce que c'est l'audience qui fonctionne, parce qu'on est dans un système où il faut faire de l'audience. Tout à fait. Il n'en est pas responsable. Il est dans un système. Et il en est l'un des principaux acteurs. Mais 52% l'extrême droite était invité. Les sujets qu'il met à l'ordre du jour sont toujours des sujets d'extrême droite. Je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de débat sur les super profits, sur l'augmentation des salaires, sur le rétablissement de l'ISF? Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de social? Voilà, je m'interroge. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être se demander que un présentateur qui fait partie du groupe où vous avez accessoirement CNews à côté, un présentateur qui a autant mis en valeur Éric Zemmour. C'est le présentateur. C'est le présentateur qui a donné. Il a fait monter l'extrême droite. C'est le présentateur qui a donné le plus et le plus vite la parole aux gilets jaunes. Donc c'est pas un présentateur d'extrême droite. C'est un présentateur qui est à l'affût de tout ce qui est mouvement populaire spontané et souvent virulent, des antispécistes aux gilets jaunes, et il est à l'affût de ça pour les faire monter. C'est vrai que c'est pour faire monter. Je suis pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'être antiraciste. Être antiraciste, c'est ne rien laisser passer quand un propos raciste ou islamophobe est tenu. Combien de fois, sur Touche pas à mon poste, des propos racistes et islamophobes ont été tenus et ont été Voilà. On a dit, on les a laissés passer. Combien de fois? Veille, voilà pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont fait monter l'extrême droite. Attendez, vous l'accusez, Cyril Hanouna, des métros, le clash et le buzz, mais en fait, vous adorez ça aussi. D'ailleurs, vous êtes en la matière un champion aujourd'hui. Oh, je vous remercie. Ah bah, mais ce n'est pas mon objectif. Je crois. Non. Vous, mais vraiment, ça dépend. Juste. C'est pas un instrument que vous utilisez? Dites-nous que vous n'utilisez mais pas attendez, ça. Attendez. Que à des moments, par exemple, enfin, la poignée de main sur le Rassemblement National, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions comme celle-là. L'histoire avec Cyril Hanouna, je ne m'y attends pas. En revanche, à chaque fois qu'on peut mettre la lumière sur un sujet politique, alors il faut mettre la lumière sur un sujet politique. Quitte à faire un très gros buzz. Mais attendez. Si c'est utile. Ce que vous appelez un buzz pour expliquer que 89 députés du Rassemblement National qui rentrent, et aujourd'hui ça paraît normal, pardon de vous dire que oui, il faut mener un débat politique. Vous avez un des présentateurs d'une des plus grosses émissions de France qui dit « je ne mords pas la main qui me nourrit », pardon de vous dire que oui, il faut mener un débat sur la concentration des médias. Mener des débats publics, ça s'appelle mener une bataille culturelle, et c'est ce que les gens attendent de nous. Parce qu'on arrive à avoir des débats qui ne sont jamais tenus, et c'est ce que les gens attendent des députés de la France. Vous attendez quoi de cette plainte? Mais écoutez, j'attends que, enfin, je vais éviter de commenter les décisions de justice. Il risque même 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. Honnêtement, j'ai la responsabilité de ne pas avoir à commander ces décisions de justice, donc je m'en priverai. Alors, restons alors sur l'autre thème important, et puis après on continuera à avancer la question peut-être de la loyauté, puisque vous avez aussi été présent, été chroniqueur dans les grandes gueules, dans les GG. Écoutez cet extrait de leur émission. Louis Boyard, il se trouve qu'on le connaît très bien, puisque Louis a été une grande gueule, et on a quand même pu mesurer que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde, puisqu'il, on va raconter les choses, hein, il devait faire la saison passée, hein, c'était l'année dernière, et on avait mis son nom dans le dossier de presse en septembre, comme on fait, et puis le jour de la conférence de presse où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant, je vais chez Hanouna, je vous plante les gars. Donc c'est vrai que, en termes de loyauté, c'est pas quand même le mieux placé. Bon, il vient sur le plateau de C8, il veut critiquer Bolloré, il ne l'a pas fait lorsque il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a effectivement une façon de cracher dans la soupe qui est quand même pas terrible. Mais ça n'excuse pas les insultes non plus. Mais c'est l'émission normalement d'Alain Marchal et d'Olivier Truchon. J'aurais bien aimé que vous ayez un dialogue, une façon d'essayer de le faire. J'ai deux choses à dire. Déjà, premièrement, c'est pas effectivement comme ça que ça s'est passé. C'était des négociations qui ont duré une semaine. Après, deuxièmement, moi, mon objectif, c'est d'aller faire de la politique auprès des jeunes. Touche pas à mon poste, c'était un très bon endroit pour le faire. Troisièmement, on devait parler de précarité étudiante. C'était pour ça que j'étais venu. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire un sujet de copinage entre un journaliste qu'on connaît qui aurait dit ça à tel sujet. C'est pas ça qu'intéresse les Français. Les Français, ils s'en fichent de nos petites vies, ils s'en fichent de nos petites personnalités. Ce qui les intéresse, c'est les combats politiques et les idées qu'on est capable de proposer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous répondre sur le sujet. C'est tout, Anna et Christophe. Moi, je m'interroge pourquoi les jeunes regardent Cyril Hanouna et pourquoi ils ne regardaient pas le média, l'émission inventée par la France Insoumise. Mais vous avez, c'est ça qu'il faut que vous réfléchissiez, parce qu'ils utilisent d'autres supports. Par exemple, sur Instagram, vous savez, on dit la jeunesse est dépolitisée. La jeunesse n'a jamais été aussi politisée. Elle est connectée via Instagram, elle est connectée via TikTok. Et là-bas, on fait aussi de la politique. On porte des idées, on essaye de convaincre. Et les jeunes sont très intéressés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils votent pour la NUPES en premier. Le RN aussi beaucoup. Oui, mais le premier vote, c'est la NUPES. Et de loin, et de très très loin. J'ajoute une info, l'ARCOM a mis en demeure C8 pour les propos tenus par Cyril Hanouna dans l'affaire Lola. Qui demandait notamment une justice expéditive. Ça fait beaucoup d'incidents mis bout à bout. Oui, c'était pas le premier. Alors est-ce que l'ARCOM, dans les décisions que cette instance aura à prendre pour cette affaire, c'est un avertissement, va considérer qu'il y a une récidive? Parce que ça aussi, ça compte dans le jugement qui est porté sur les chaînes. Il peut y avoir des sanctions sur le chiffre d'affaires publicitaire, sur l'écran noir. Donc l'ARCOM a cet arsenal-là entre ses mains. Et vous l'avez eu, vous, depuis? Non, je l'ai pas eu depuis. Non, mais vous pensez qu'il regrette? C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Qu'il regrette les propos, il l'a dit. Je pense qu'il est sincère, parce que c'est un homme irruptif aussi. Et donc, parfois, il revient sur ses propos. Après, je pense qu'il a une vision de la construction d'un projet d'émission qui est incompatible avec ce que les élus de la France Insoumise veulent faire du porte-avions audiovisuel qui est le leur. Et j'aimerais juste terminer sur quelque chose. J'avais demandé à Cyril Hanouna, qui dit qu'on peut tout dire sur son émission, est-ce qu'il est prêt à organiser un débat sur les agissements de Bolloré en Afrique? Je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je relance ma proposition. Encore un point, ça occupe l'actualité, c'est important. Plus de la moitié des rescapés de l'Océan Viking, soit 123 migrants, se sont vus, alors on dit remis en liberté, parce qu'en fait la justice s'est dessaisie, c'était des impossible de traiter tous ces dossiers. On a raconté tout à l'heure cette journée chaotique. Ils sont donc libres de partir. Le Rassemblement national dit que c'est l'affaire Leonarda d'Emmanuel Macron. Quel commentaire vous faites? Mais je commande pas le Rassemblement national parce qu'il ne maîtrise pas les sujets. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une crise de l'accueil. Que ces migrants ont été sauvés. Non, mais c'est la preuve. Aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'accueillir les gens. On n'est pas équipés. Et j'ai quelque chose à vous dire, mais la Banque mondiale explique que 150 millions de personnes n'auront plus d'eau ou plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Il va falloir un moment qu'on se prépare à être en capacité d'accueillir des gens. Et je redis qu'on dit ces gens ne veulent pas faire partie de la France. Mais vous avez des mineurs qui ne demandent qu'à aller à l'école. On leur dit prouvez d'abord que vous êtes mineur. 2 à 3 ans de procédure en justice. À la fin, ils sont majeurs, ils peuvent pas aller à l'école. On dit à ces gens vous devez travailler. On leur interdit de travailler. Et on leur dit si vous voulez les papiers, alors vous devez avoir 30 fiches de paye en 5 ans. Mais on leur interdit de travailler. On a une crise de l'accueil parce que la loi est mal faite et parce qu'elle ne se donne pas les moyens. Et c'est ça qui crée les problèmes. La France va donner des titres de séjour à des immigrés en conditions irrégulières mais qui travaillent. Ça va dans le bon sens. Mais je vais vous donner l'exemple des Chronopost, qui est un sujet que je suis beaucoup, où vous avez des personnes qui étaient en situation irrégulière, que Chronopost a exploité, a sous-payé, a fait travailler la nuit. Et aujourd'hui, Chronopost ne veut pas reconnaître qu'ils ont travaillé pour eux et du coup, ils n'auront pas les papiers pour ça. La préfecture, l'État, tout le monde est au courant, mais personne ne veut les régulariser. Aujourd'hui, il va falloir avoir une politique d'accueil. Parce que c'est la seule solution qu'on a pour être capable de faire le vivre ensemble. Mais il y a une autre solution, c'est de les aider à rester chez eux en surmontant ces difficultés d'approvisionnement en eau, en nourriture. Ça s'appelle le développement. Oui, mais aller dire à quelqu'un qui ne peut plus boire, qui ne peut plus manger de rester chez lui, aller expliquer à une femme en Afghanistan où vous avez un régime de talibans qui est qui est atroce, aller expliquer à ces gens de retourner chez eux. En vérité, si des gens tentent un tel péril et en sont à un tel niveau de détresse, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut regarder droit dans les yeux. Et combien on peut en accueillir en France, compte tenu de notre situation économique et sociale? C'est pour ça qu'il faut pas, c'est quoi, un million, dix millions? C'est pour ça que c'est pas une politique qu'il faut regarder uniquement à l'échelle de la France, c'est une politique qu'il faut regarder à l'échelle de l'Union européenne. Et quoi qu'il arrive, de fait, avec le réchauffement climatique, c'est un problème qu'on va être confronté. On n'aura pas d'autre choix. C'est pour ça que nous, on appelle à planifier. Et on dit crise de l'accueil, parce que c'est bien là qu'il est le problème. Il faut changer les lois, il faut donner les moyens à ces personnes de pouvoir faire France avec nous. C'est tout ce que l'on souhaite et on a plein de propositions sur le sujet. Et l'autre appel que vous lanciez, c'était contre la précarité étudiante. Tout à fait. Plusieurs vidéos d'étudiants qui appellent à l'aide pour réformer le système des bourses notamment. J'aimerais poser une question, mais combien d'étudiants vivent avec moins de 1102 euros en France? 1102 euros, c'est le seuil de pauvreté. En vérité, la quasi-totalité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté parce que le système fait qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. J'essaie d'expliquer à La République En Marche, essayez de faire quelque chose. Ils disent, on a augmenté les bourses de 4%. L'inflation est à 6,5%. En fait, ces gens ne sont pas capables de se rendre compte qu'il y a des milliers d'étudiants qui crèvent la dalle. J'essaie de leur faire entendre qu'il va un moment falloir agir et ils s'en foutent. Si demain, Cyril Hanouna vous invite pour en parler, vous y allez ou pas? On a des plaintes l'un contre l'autre, donc ce serait peu crédible. Et vous dites à vos collègues d'arrêter d'y aller? Moi, ce que je dis sur le sujet, c'est que quand on est de gauche, quand on a cet ADN-là, on va dans les endroits pas faciles, l'usine, le rond-point, le marché, et que si jamais il faut aller mener la bataille culturelle, allez la mener partout, collègues. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va continuer à y aller et à dire aux insoumis d'y aller, ça vous blesse pas? Pour vous faire une petite démonstration, mais je le redis, 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Pour moi, ces espaces d'expression démocratique, ils sont censés appartenir au peuple. Parce que des milliardaires nous ont volé cet espace d'expression démocratique, on devrait se coucher, on devrait ne plus y aller, on devrait les laisser l'extrême droite tenir des propos racistes et islamophobes toute seule. Non, on mène la bataille culturelle et on tient tête. Et quel argent viendra remplacer l'argent des milliardaires pour payer les gens qui font les médias? Il faut demander des impôts, c'est qu'il faut que si le peuple doit posséder les médias. Non, dans notre proposition de loi, ce qu'on propose, c'est que vous avez des milliardaires qui possèdent 100% d'un média. Nous, on veut qu'ils ne puissent pas en posséder plus de 20%. Et les 80%. C'est ça qui permet. Mais dans ce cas, vous avez d'autres gens qui viennent, d'autres actionnaires, d'autres milliardaires. Et c'est ça qui empêche. Pas d'autres milliardaires, mais si vous aussi vous voulez acheter des actions, allez-y. Et d'ailleurs, je pense que les milliardaires ne devraient pas exister. Mais en tout cas, écoutez, vous avez le pays n'a jamais été aussi riche et les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées. Merci. Comment est-ce qu'on peut avoir des personnes qui accumulent de telles sommes d'argent quand vous avez des gamins qui crèvent de froid dans les écoles et des étudiants qui font la queue à la banque alimentaire? Merci beaucoup à tous les trois. Tout de suite, nous allons en Ukraine. Revue de presse. Alors, ce matin, par exemple, toujours plus de pauvreté au menu des Restos du Cœur. Voilà de quoi réagir, hein? Ah oui, en tant qu'électeur, on va réagir, c'est sûr. On n'est pas des larbins, hein? Ah oui, on est des électeurs qui savent pourquoi ils votent et pour qui ils votent. Ah oui, c'est sûr, quand on aura l'occasion de voter, parce que c'est pas si souvent, hein? droits humains, plusieurs sélections prennent position. Alors, la FIFA défend la plus belle Coupe du Monde. Voilà, la plus belle Coupe du Monde. Karim Benzema, forfait, coup dur pour les Bleus. Tiens, oh ben, puisqu'on va passer du sport qui est une matière sacrée pour les gouvernements, pour les dictatures encore plus que pour les autres gouvernements. Le sport, c'est le moyen d'amuser le peuple, hein, d'occuper la populace. Oui, ah oui, on méprise le peuple quand on développe bien le sport. Hein. Pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance à l'industrie pharmaceutique? C'est un peu pour ça. Alors le scandale du Lancet, du Remdesivir, du Tamiflu, du Levothyrox, du Distilbène, de l'hormone de croissance, du chlordécone, du sang contaminé, de l'isoméride, du Mediator, de la Dépakine, des vaccins H1N1, du Vioxx, du Diane 35, du thalidomide, de cervastatine, et ma liste est certainement loin d'être complète. Certainement. Hein? Voilà. Église catholique, nouveau scandale d'abus sexuels. Bon. Cyril Hanouna s'en est pris au député insoumis Louis Boyard. Bravo Louis Boyard. Voilà quelqu'un qui est intelligent, courageux, utile. Parce que Cyril Hanouna, c'est un des pires défauts de notre République. Enfin, notre République, la République macroniste, hein, pas la vraie République. Hein. Voilà. Cyril Hanouna insulte copieusement un élu. Cyril Hanouna insulte copieusement un élu. Médecin, labo, interne, la fièvre ne retombe pas. Camouflé pour Poutine. Bon. Philippe Guillemot, parachutage au cœur de l'opération Leuton. En 1944, des commandos de la SAS étaient parachutés sur les Vosges pour créer une base de soutien et perturber les arrières lignes allemandes. Un passionné de Richicourt-le-Château, ancien du 13e RDP de Dieuze, a écrit un ouvrage historique sur cette poignée de héros et la population qui les a aidés. Et oui, voilà, quand on vote mal, comme les Allemands, par exemple, qui en 1932, d'abord, et puis en 1933, ensuite, encore, ont voté pour Hitler et ses nazis, eh bien, ils se retrouvaient avec une guerre mondiale. Ils se retrouvaient avec des millions de morts, hein. Ben oui, les morts que les Allemands ont fait dans toute l'Europe et ailleurs, et les morts que les Allemands ont subis. Ben oui, parce que quand Hambourg a été bombardé, il y a eu 180 000 morts, ben oui. Que voulez-vous, hein, un partout, la balle au centre. C'est ça la guerre. La guerre, ça consiste à détruire le maximum de matériel et le maximum de personnes. Alors ceux qui acceptent ce genre de jeu-là, eh bien ils sont soit des victimes, soit des assassins, soit les deux. Hein. D'après une étude récente, si Hanouna arrêtait la télé, le QI moyen, coefficient intellectuel moyen en France, augmenterait de 44 points. Ah. Cybercriminalité, le père de Sébastien Raoult, perquisitionné et auditionné. Il a enfin obtenu ce qu'il demandait. Enfin, pas tout à fait. Hein. On verra que la justice est parfois pas aussi juste qu'elle ne pense ou qu'elle ne devrait être. Faillite, ça va être difficile. Le tout est de savoir comment gérer. Les entreprises comme Camailleux, par exemple. Hein, les anciennes Camailleux ont été placées en liquidation judiciaire le 28 décembre dernier, entraînant la suppression de 2600 postes en France. Ouais. Qui est derrière tout ça? À qui est-ce que ça profite? À qui? Bon, pas aux salariés, parce que eux, ils se retrouvent licenciés, avec peu d'espoir de retrouver du boulot, puisque en France, il y a déjà 6 millions de chômeurs. Alors, voilà. 2600 chômeurs de plus. Hein, ça va pas arranger les choses, bien sûr. Mais bon, ça fait quand même des années et des années que ça dure, ce chômage, et que nos politiciens ne réagissent pas, ne bougent pas, et que les électeurs ne leur bottent pas le cul et ne leur claquent pas la figure aux politiciens de métier, qui eux sont bien payés. Hein ? 36 568 procédures collectives ont été prononcées depuis le 1er janvier 2022, soit plus que les que les 27 563 dossiers de 2021, mais moins que la moyenne annuelle de 50 000 procédures. Voilà, ben oui, il y a des licenciements, des faillites, des dépôts de bilan, des... Voilà, ah ben l'économie capitaliste, elle marche comme ça, à tâtons, les yeux bandés, bon, voilà, puis elle fait comme... ouais. CAC 40, des dividendes records en 2021. L'année 2021 aura été très profitable pour les actionnaires des entreprises du CAC 40, noyés dans les profits qui ont explosé par rapport à l'année 2020. Plombés par le Covid, celles-ci ont distribué des dividendes records, 57,5 milliards d'euros, soit plus 32%, calcule le rapport annuel de l'Observatoire des multinationales publié lundi. Voilà. Alors donc, plus ça va mal pour les chômeurs, plus ça va mal pour le peuple, plus ça va bien pour les riches, et surtout pour les très riches. Parce que de très riches, ils passent à très très riches. Hein, et après, ils passeront à très riches. Voilà. Bravo. Oh là, ce sont des gens performants, ça. Hein. Alors, les fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Oh ben, hein, ouais. Là, faudrait chercher les responsables de cette situation-là. Qui a voté pour les gens qui ont décidé ces crimes-là? Parce que une guerre, c'est un crime majuscule, hein, un crime énorme, un crime inhumain. Hein. Alors ceux qui votent pour des gens comme ça, ben ma foi, ils sont complices. Eh oui. Alors 10 milliards, une planification à des moyens. Emmanuel Macron veut soutenir les sites industriels les plus polluants pour verdir leur outil de production. Vous entendez ça? Pour verdir leur outil de production. Il portera à 10 milliards d'euros l'aide publique pour leur décarbonation s'il double en échange leur effort en la matière. S'il double en... Oui, ah oh oui, on peut faire confiance à ces gens-là, hein, c'est sûr. Ils n'ont pas de morts, de dizaines, de centaines, de milliers, de millions de morts sur la conscience, ces gens-là. Non. Ils font des affaires, ils gagnent beaucoup d'argent, et puis ben le reste, ben ça les regarde pas, ils s'en foutent complètement. Ben oui, la qualité de la vie des salariés, des chômeurs, etc. Ils s'en fichent complètement. Rappelons que dans ce beau pays de France, il y a 6 millions de chômeurs, 14 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Vous rendez compte, quel beau pays la France. Tous ceux qui l'ont gouverné depuis 30 ans, ils peuvent être fiers d'eux, hein. Bon. Un chantier titanesque pour ArcelorMittal. ArcelorMittal. ArcelorMittal s'est engagé à réduire de 40% ses émissions d'ici 2030, soit 10% du total de toute l'industrie française. Alors, un risque pour la compétitivité française. Nous travaillons à la décarbonisation de nos usines depuis 10 ans, souligne Eric Niedzela, le PDG d'ArcelorMittal France. Le groupe mise notamment sur le développement de l'hydrogène décarboné pour verdir la production d'acier en France qui utilise du charbon depuis 2 siècles. ArcelorMittal veut aussi encourager le recyclage des ferrailles déjà utilisées, même si les volumes resteront limités. L'enjeu, c'est notamment de créer un circuit court, car actuellement, plus de 20 millions de tonnes de ferraille sont exportées en dehors de l'Europe. Oui. Ah oui. Oh, ils sont intelligents, ces gens qui nous gouvernent. Oh là là, et ceux qui gèrent les entreprises. Oh, aïe, aïe, qui sont bons. Oh là. Un cerf à l'origine de la mort d'un chasseur à l'arc. Ah, un cerf, C-E-R-F, à l'origine de la mort d'un chasseur à l'arc. Hein? Eh, ben oui, ça arrive. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi de la nature. Eh oui. Il y a des victimes, il y a des bourreaux, et parfois les bourreaux deviennent victimes. Ben. Luxeuil, les premières photos du site du crash de Mirage. Voilà. Alors l'avion ne revolera plus, mais l'épave est restée intègre. Le pilote indemne a dirigé l'appareil dans une zone inhabitée et s'est éjecté au dernier moment. Voilà, il n'y a pas eu de mort. Ah ben tant mieux, tant mieux. Pourtant quand même, normalement, l'armée de l'air, ça sert à faire des morts. Hein? Mais dans le cas en face. Hein? Alexis Poulain, si les soignants rechignent tant à se faire vacciner, c'est peut-être parce que les mêmes qui leur font la leçon aujourd'hui les ont envoyés au front avec des sacs poubelles et des médailles en chocolat il y a un an. Berger, CFDT, l'inflation, c'est la taxe des pauvres. Alors CFDT, qu'est-ce que c'est que la CFDT? Et dans l'article, ils disent que c'est un syndicat. Vous y croyez, vous, à ça? Hein? CFDT. Et on peut avoir été syndiqué pendant 30 ans à la CFDT, avoir payé des cotisations, avoir militer, et puis trouver que la CFDT, ben, c'est sûrement pas un syndicat, hein. Ou alors c'est un syndicat caca, un syndicat collabo, hein. Depuis quand? Ben, depuis l'arrivée des soi-disant socialistes au gouvernement. Ouais. Ben oui, socialistes, collabos, CFDT, tout ça, ça, c'est des termes qui vont ensemble, qui riment ensemble. Hein, oui. Social, le risque existe d'une explosion sociale. Fermons les guillemets. Alerte Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dans un entretien à notre journal. L'urgence est un meilleur partage de la richesse dans les entreprises. Sujet d'une négociation qui débute ce mardi et à ne pas imposer un report de l'âge légal de la retraite. Alors, on lui consacre une demi-page à ce monsieur qui est représentant d'un syndicat dont on n'a pas parlé quasiment depuis 30 ans. Enfin, un syndicat qui a disparu du terrain des luttes, hein, qui a empêché que les choses avancent, qui n'a rien fait pour que les choses avancent. Alors, Gilles Provins fait revivre le quotidien de la Grande Guerre. Mirecourt, le travail à l'usine, dans les grands magasins ou dans les champs, la vie quotidienne le long de la ligne de front ou dans les villes, c'est une véritable vie animée pendant la Première Guerre mondiale qu'invite ce samedi 12 novembre le conférencier vosgien, auteur de L'Inespoir ou La Grande Guerre des Civils. Voilà. Eh ben, les guerres. Ceux qui sont responsables des guerres, ce sont des assassins, des criminels au plus haut degré.